26 janvier 2017, première séance préparatoire de l'atelier d'ethnographie visuelle avec Marc Abélès. C'est notre première séance pour cet atelier d'ethnographie visuelle. Et comme vous l'avez vu dans l'annonce, on souhaiterait aborder un thème beaucoup plus vaste, mais qu'il faudrait approfondir, qui est le thème des élections et de la politique. Parce que nous considérons que le moment électoral, c'est un moment de tension, de révélation, si j'ose dire, des rapports politiques. Et nous sommes vraiment très heureux que Marc ait accepté de nous entretenir de cette question, parce que les séances préparatoires visent justement à réfléchir, parce qu'il ne faut pas qu'on fasse comme à la télé. Alors, voilà, il faut s'appuyer sur quelque chose qui soit scientifiquement, académiquement approfondi. Et on ne peut pas trouver mieux que Marc pour nous entretenir de cette question-là, puisqu'il est l'initiateur de l'anthropologie contemporaine du politique, qu'il a développé à travers plusieurs ouvrages, et que je vous inviterai à lire d'ailleurs, comme moi, ces derniers temps. Et je trouve que c'était précurseur de ce que nous voulons faire aujourd'hui. Et quand on voit l'évolution des systèmes politiques en Occident, on pense à ce qu'il a dit, enfin, ce qu'il avait pu écrire, mais il le dira mieux que moi, des premiers ouvrages jusqu'à au-delà de l'État, hein, qui est un peu notre invite aujourd'hui, aller au-delà de ce qui s'est dit dans la sphère. Voilà. Donc Marc, je te laisse la parole. En fait, ce que je trouverais peut-être intéressant, c'est qu'on discute, c'est-à-dire que je peux vous faire un exposé ex cathedra, mais je pense que ce qui peut être intéressant pour vous aussi, c'est d'intervenir et de... Justement, sur cette base, je pense que ce sera plus fructueux pour ce que vous avez à faire de faire des remarques, de poser des questions comme vous voulez. Hein. C'est un exposé... assez informel en fait, donc sur la demande de Jean Bernard qui m'a parlé un peu du groupe que vous étiez en train de former. Moi j'ai l'expérience d'avoir animé des stages sur le terrain, ce qui se faisait d'ailleurs assez peu à l'époque à l'école des hautes études. Et c'est vrai que quand on débarque dans des situations, surtout comme actuellement, c'est-à-dire des situations électorales ou des situations effectivement de tension où il y a des candidats en présence, des programmes en présence, et puis la perspective quand même d'un affrontement assez dur là au printemps. C'est pas évident de travailler, de faire sereinement, je dirais, du travail de terrain. Donc il faut déjà prévenir, je veux dire, qu'entre les, disons, les belles paroles et les analyses comme ça sur ce qu'est l'anthropologie du politique et tout, et puis la dure pratique quotidienne du terrain, il y a réellement un décalage. Enfin, ça n'empêche qu'évidemment, il faut essayer de réfléchir sur ce qu'est l'apport spécifique, disons, de l'anthropologie politique, de ce type de travaux, dans un contexte où, surtout quand on travaille dans sa propre société, on est d'emblée imbibé, je dirais, par des discours qu'on va trouver dans les médias. Mais également, il y a ce phénomène qui est nouveau, disons, par rapport à la phase antérieure, c'est-à-dire le phénomène des réseaux sociaux, le phénomène de l'Internet, et qui est relativement récent dans la vie politique, qui a bouleversé... je me souviens d'enquêtes que j'ai pu faire il y a une dizaine d'années, et l'Internet était assez peu présent, même dans la vie des parlementaires, par exemple, beaucoup n'avaient pas encore de sites ou de choses comme ça. Et ça, tout ça a été complètement bouleversé avec en particulier l'utilisation de Twitter, enfin, qui est très, très un outil extrêmement, on l'a vu avec Trump aux États-Unis, qui est un outil extrêmement violent et qui a une efficacité, un impact très rapide, très immédiat, et qui va, je pense, quand vous faites justement des enquêtes de terrain, qui va très vite... modifier, regarder ce qui est en train de se passer. Par exemple, je prends un exemple au hasard, mais c'est l'actualité immédiate. L'actualité immédiate, c'est Madame Fillon. On apprend qu'elle a eu un job au Parlement, également à la Revue des Deux Mondes. On ne sait pas très bien si elle a travaillé, mais le fait est qu'elle a été payée une somme qui, pour les gens est quand même assez considérable, hein, 500 000 euros en quelques années, bon, ça veut dire quelque chose. Et en plus, comme c'est pas une somme non plus totalement énorme, les gens peuvent se représenter assez facilement ce que c'est par rapport à leur propre feuille de paye, si tant est qu'ils aient du boulot. Donc, immédiatement, ça se répand comme une traînée de poudre. Ça va donner, je pense, matière à des... justement à toute une série de tweets, si ce n'est déjà fait, assassins, meurtriers, réponses, etc., etc., contre-attaques, et voilà comment c'est. Une campagne électorale aujourd'hui, c'est ça, c'est beaucoup ça. C'est-à-dire que c'est pas ce que ça a pu être, c'est-à-dire des meetings dans la rue, des choses uniquement du face-à-face, des distributions de tracts sur le marché. Ouais, donc bon, je vais revenir là-dessus, mais c'est pour dire que évidemment, quand on travaille dans ce contexte, on est dans des moments de tension, et il faut savoir, je dirais, raison garder et surtout recul garder. C'est ça c'est une des difficultés, à mon avis, de l'exercice tel qu'il se présente. Alors, ce qu'il faut pour garder ce recul et pour garder cette raison, il me semble qu'il faut avoir en tête quelles sont les orientations, quels sont les enjeux finalement de ce type d'anthropologie. Et pourquoi on a cru bon de la développer de manière un tant soit peu rigoureuse. Alors je pense que, si vous voulez, moi j'ai connu l'anthropologie politique telle qu'elle s'exerçait en grande partie dans des sociétés lointaines, certains disaient exotiques, d'autres ont dit primitives, heureusement tout ça a disparu. Mais enfin, le fait est que c'était le tout venant, et moi-même, quand j'ai fait mon doctorat, à cette époque, il y avait véritablement un gap, disons, entre ce qu'on pouvait vivre, disons, comme étudiant à Paris ou en France, et puis le travail de terrain qu'on pouvait faire. Moi, je suis parti en Éthiopie et j'ai été... pendant environ 2 ans, complètement coupé de ma société d'origine, puisque justement tous ces outils d'information n'existaient pas, et que, bien entendu, on était d'emblée immergé, et on avait devant soi aussi du temps. C'était la grande variable importante, en fait, en anthropologie, à mon avis. Ce que j'ai découvert avec l'ethnographie, c'est le temps, c'est l'usage du temps. Et la patience, et le fait que... Donc tout ça va complètement à l'encontre de ce qu'on vit aujourd'hui. Et l'idée, c'était de repérer, en fait, ce qu'il y avait de plus différent, de moins familier, et d'essayer d'en trouver des traductions, au fond, par rapport à la manière dont nous, on pouvait envisager, par exemple, l'activité politique. Je veux dire, il s'agissait de prendre un certain nombre de rituels, de symboles, de façons de se comporter. Et moi, j'avais beaucoup travaillé à l'époque, mais c'était pas tellement, je dirais, un choix personnel, mais beaucoup aussi le fait que j'étais dans une société qui fonctionnait avec des assemblées, hein, c'est Al Cholo, et l'activité proprement politique occupait pratiquement la moitié du temps des gens, l'activité de délibération, de discussion, etc. Donc il y avait autour de ça toute une façon de l'exprimer, et toute une façon de régler la conflictualité à l'intérieur de cette société. Comment régler les rapports de force, avec quelle instance, avec quel type de langage aussi, hein, le langage très important, le langage politique, hein, c'est là qu'on voit. Et c'est vrai que quand on va dans des sociétés différentes de la sienne, l'une des choses, c'est que on prend conscience du poids par exemple, je prends le cas du langage, parce que c'est vrai que la rhétorique politique, comme on est, quand on est immergé dans sa propre société, on n'y fait même plus attention, la manière dont les gens parlent, la manière dont ils... Prenez un débat comme celui de hier soir, il y a toute une rhétorique complètement codée, c'est-à-dire que là, on avait deux artistes, si on peut dire, des praticiens, qui connaissent tous les ressorts et qui sont capables de faire émerger tel ou tel terme. Et nous-mêmes, on est en connivence, en fin de compte, avec ces termes-là. Donc, et en plus, on a une deuxième chose, c'est qu'on a un commentaire permanent, justement, sur le fond médiatique, disons, puisqu'on sait que ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir d'un côté le revenu universel, de l'autre ceux qui critiquent le revenu universel, on va avoir la laïcité, on aura de l'autre deux conceptions différentes de la laïcité. On a déjà tout le script, si vous voulez, on vit avec des scripts, et en fait, ce qu'on regarde, c'est à quel moment ils vont se casser la figure, c'est-à-dire si le script va fonctionner, et s'il y aura... Alors, remarque le lendemain, moi je vous prends tout ça à chaud, mais je le fais exprès. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dit? Ils ont été courtois, ça s'est bien passé. On s'attendait à. On est un peu déçus, remarquez, je pense qu'on s'attendait à ce que. Mais en même temps, on va vous dire, et c'est tout à vrai exact également, on va vous dire, mais de toute façon, ça ne pouvait pas être autrement. Parce que s'il y en a un qui avait trop été agressif, évidemment, il aurait perdu, surtout le challenger, celui qui était classé en second, il risquait de perdre des plumes en voulant trop agresser. Mais il était quand même dans la position où il fallait attaquer. Et donc, tout ce qui ressort de ça, c'est la manière dont se sont comportés, en fait, le script étant écrit, les positions étant définies, et le fait qu'à un certain moment, vous ne pouvez plus changer la donne, si vous voulez. Prenez, je parle un peu comme ça, mais tant pis, c'est peut-être plus intéressant. Prenez ce qui se passe. Vous avez donc, au départ, les 7 candidats. Et qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'il y en ait un qui arrive à polariser l'attention sur lui, en gros. Là encore, je ne prends pas du tout des positions. Je me situe justement en anthropologue et avec cette espèce de recul. Et au départ, on ne sait pas très bien. On est persuadé qu'au fond, le combat, il va se passer entre, d'un côté, le pouvoir sortant, incarné par Valls, le bilan, le sérieux, la sécurité, l'autorité de l'État, enfin, tout ce qu'il essaye de représenter. Et puis, de l'autre, ceux qui sont critiques, ceux qui accusent d'avoir trahi le point de départ, et puis qui essayent d'avancer des propositions, qui, notamment sur le plan social. Et c'est Montebourg. Au départ, c'est très, très clair, les choses sont posées comme ça. Et puis, pas de chance, ou beaucoup de chance, en fait, d'un point de vue médiatique, il y en a un qui arrive et qui vient avec un message que, on ne sait pas trop d'où il sort sur le moment, c'est cette histoire de revenu universel. Et tout d'un coup, ça focalise, parce que personne ne s'y attend et que le type, il développe calmement toute son organisation autour de ça. Donc, résultat, les autres sont obligés de se situer parce que c'est complètement relayé, parce que justement, c'est un peu neuf et que dans les médias, ça immédiatement suscite, ça fait une sorte de ce que certains psychologues appellent une science, quoi. Ça crée un truc. Et donc, ayant créé ça, après, c'est relayé au niveau de ce qu'on va appeler l'opinion. On ne sait pas très bien ce que c'est, mais évidemment, on va commencer à interroger les gens. Qu'est-ce qu'ils pensent du revenu universel? C'est dans l'énorme machine sondagière, c'est comme ça que ça marche. Donc, il y a un thème qui... Bon, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, tout le monde se met à dire « je suis pour, je suis contre », etc. On va dire qu'il y en a 60% qui ne sont pas d'accord. Mais ça n'a aucune importance. Le mal est fait, en quelque sorte, par rapport à des candidats, disons, qui eux... n'attendaient pas du tout ce coup-là et qui avaient déjà leur script à eux, c'est-à-dire qu'ils voyaient qui seraient vraiment les deux challengers. Le fait que ce troisième se place et le fait qu'il apporte cette chose-là, ça détruit en quelque sorte le premier script. Donc on va faire un deuxième script. Et c'est là où nous en sommes, en gros. Et donc c'est un peu la manière dont ça va se passer et dont vous allez avoir dans votre position d'enquêteurs, vous allez être affronté en permanence à des choses qui sont, heureusement d'ailleurs, des événements un peu contingents, enfin des choses qui ne sont pas prévisibles et qui immédiatement ont des apparemment, enfin on le voit dans l'opinion, ont donc cet impact. Alors le problème, c'est que comme ce sont des scripts qui ont une cohérence assez forte, en fin de compte, vous êtes vous-même un peu pris là-dedans. C'est-à-dire que la première difficulté, je dirais, c'est que vous êtes amené à vous positionner, même de manière involontaire, voire inconsciente, par rapport à ce qui se passe. Et comment faire, disons, pour sortir de cette espèce de discours dans lequel tout le monde est plus ou moins englué du matin jusqu'au soir, puisque vous avez une répercussion incroyable. Si vous prenez, je sais pas, un journal de radio, prenons la radio la plus écoutée, etc., France Inter, hein, la radio France Inter, ça commence à 7h du matin, le type se lève à 7h, il a un premier journal, ensuite il a un deuxième journal, ensuite il a un commentaire sur la... Et dans chacun des journaux, donc 7h, 7h30, dans chacun des journaux, on reprend en boucle c'est ce débat. Et en réalité, vous voyez qu'il n'y a pas une information supplémentaire. Tout ce que j'ai dit sur la manière dont les gens se sont comportés, sur le script et tout, ça revient comme ça. Ensuite, vous avez une deuxième information qui est l'information sur Madame Fillon. Voilà, qui est commentée par le commentateur politique. Ensuite, on se calme un peu, on n'en parle plus. Ensuite, journal de 8 heures. Journal de 8 heures, sur tous les événements, le débat plus Fillon. Et puis, 8h20, re-commentaire à propos du débat par un économiste et une sociologue du travail, Dominique Méda, qui font le décryptage, disons, où en fin de compte, on s'aperçoit qu'il y en a un qui est pour Macron. Alors, ça, c'est un terme nouveau, mais ça permet quand même d'élargir un petit peu la focale. Et puis l'autre, elle mouline tout le discours de Hamon en expliquant que des tas de rapports montrent que le travail a changé de nature et que bon, ça en est terminé du plein emploi, etc., etc. À quoi l'économiste lui répond de manière qui m'a semblé assez raisonnable d'ailleurs. Que l'état de rapport était en fait trois rapports et que c'était ça qui avait alimenté cette fameuse réflexion. Et c'est exactement, alors là, moi j'ai vu fonctionner les politiques, mais je sais comment ça marche, et c'est comme ça que ça marche. Deux, trois rapports, tout d'un coup, on saisit ce type qui cherchait à s'accrocher à quelque chose. Mais c'est normal, hein, c'est pas de ma part une critique. Mais donc ça alimente donc un deuxième débat. Et puis maintenant, on va continuer, je pense, toute la matinée. Là, on peut pas l'écouter, mais c'est comme ça que ça va se faire. Donc, à un moment ou à un autre, ce que je veux dire, c'est que les gens auxquels vous aurez affaire, avec qui vous allez parler, etc., ils auront tout ça dans les oreilles. Et s'ils ne l'ont pas, ils sont sur leurs ordinateurs, sur Internet, et ils vont avoir via tel et tel réseau, via des images, via d'autres médias, des médias. Je pense à des choses comme Mediapart, etc., qui sont sur Internet. Ils vont avoir tout ça. Donc on n'en sort pas. On est pris dans cette espèce de toile, hein, si on peut dire. Et alors, pourquoi l'anthropologie ? Ben, c'est pour se libérer. C'est-à-dire que je pense qu'il y a un pouvoir émancipateur de l'anthropologie. Ce qui est paradoxal, c'est que l'anthropologie, au départ, était plutôt pensée dans l'horizon de la colonisation et plutôt dans un horizon de domination implicite, puisque l'idée c'était quand même d'aller voir d'autres gens et d'essayer de mettre tout ça en fiche et de rendre compte un peu de ces sociétés qui étaient censées être en voie de disparition. Bon, il y a quand même cette idée là et donc le métier d'anthropologue à la limite était relativement considéré comme inoffensif et peut-être complémentaire d'une entreprise de civilisation, entre guillemets. Et dans ces conditions, on peut pas dire qu'il allait vers une vision émancipatrice. Mais en réalité, et sans le vouloir, je pense que les anthropologues ont en fait contribué à cette vision émancipatrice pour différentes raisons. Et je reviens là sur le projet théorique de l'anthropologie, qui me semble sur ce plan intéressant, c'est le fait que justement, le fait d'avoir aperçu d'autres potentialités dans l'organisation politique, le fait d'avoir vu d'autres systèmes, hein, les systèmes politiques et tout ce qui a été fait notamment sur les systèmes politiques africains et l'existence des sociétés à segmentarité, le fait qu'il n'y ait pas des sociétés qui fonctionnaient à très grande échelle, même sans pouvoir centraliser, ça a été quelque chose d'assez renversant par rapport à la manière dont on concevait la politique. Et ça a mis d'ailleurs du temps à être assimilé, je dirais même par les spécialistes de sciences politiques. Hein. La première synthèse qui a été faite, donc, c'est celle de Balandier dans 1967, hein, qui a été quand même le livre, en tout cas pour la langue française, important dans la mesure où il a présenté une synthèse de toutes ses recherches, qu'il avait fait d'ailleurs de manière assez drôle. C'est des étudiants à lui qui me l'ont raconté, c'est-à-dire qu'il avait fait travailler ses étudiants et leur faire des exposés, et ensuite il a repris dans l'anthropologie toutes les notes. Et il faut dire que c'est bien fait et que ça a alimenté ensuite, ça a servi de base, disons, pour réfléchir sur la diversité des formes politiques. Et à partir de là, on ne peut plus envisager maintenant la question du politique sans se situer par rapport à cette diversité des formes politiques et par rapport au fait que, si vous voulez, on a d'emblée une proportion en tant qu'anthropologue à une approche critique justement de sociétés comme les nôtres qui, elles, ont opté de très longue date, d'ailleurs dans le cas français, pour une forme centralisée du pouvoir et pour justement cette idée de d'abord l'idée monarchique, la constitution de la France monarchique avec donc, mais au fond le fait que la présidentialisation dans laquelle on vit est tout simplement un prolongement en fait de cette forme de centralité dans laquelle évidemment on fait jouer un rôle au suffrage universel, mais qui quand même part d'un présupposé commun que la société doit être gouvernée d'en haut et elle doit être gouvernée du centre. Or, c'est évidemment un présupposé qui est pour nous acceptable et qui pour d'autres sociétés n'est pas acceptable. Et donc, à partir de là, si vous mettez ça en perspective, déjà vous prenez un peu de distance par rapport aux formes dans lesquelles on a coutume de vivre. Je veux dire que tout ce qui est au fond loué ou reproché à des candidats à la présidence, c'est ça a trait à leur manière, à la manière dont ils pourront assumer. On dit il peut être président, enfin il a une carrure présidentielle, etc. C'est-à-dire qu'il est censé pouvoir assumer toute cette énorme responsabilité et il est censé pouvoir être formaté. Par rapport à cette centralité politique, par rapport à cette idée d'une gouvernementalité qui est concentrée, disons, en haut, par rapport et avec une opposition entre le haut et le bas. Et après, il y a l'opposition du peuple et des gouvernants, etc. Alors tout ça s'enchaîne et tout ça crée une cohérence de pensée, une cohérence de représentation. Sur laquelle on peut s'interroger. Et c'est peut-être un des aspects, moi, qui me paraît intéressant de réfléchir quand on est anthropologue, c'est sur cette cohérence de représentation et la manière dont les gens, dans leur quotidien, dans leur façon de le vivre, peuvent intégrer ou non, ou si ça rentre, et ça me paraît une des choses intéressantes aujourd'hui, c'est que visiblement, ça rentre en tension avec d'autres pratiques qui font partie de leur quotidien. C'est-à-dire que vous avez beaucoup de pratiques aujourd'hui qui sont des pratiques, je dirais, d'horizontalité, de transversalité, et qui ne vont pas, qui ne sont pas d'emblée en cohérence avec cette pratique politique de la verticalité. Ça, je crois que c'est un point très, très, très, très important. Vous voyez, si je compare l'expérience d'aujourd'hui avec celle qu'on pouvait avoir encore il y a une trentaine d'années, en gros. Moi, j'ai travaillé en France sur la politique locale et puis sur la politique nationale. J'ai commencé à travailler, c'était dans les années 80. Vous voyez, ça remonte quand même à une bonne trentaine d'années. Et je pense que les choses n'étaient pas du tout pensées de la même manière. Il y avait une intégration complète de la vision de la verticalité, sachant que il y avait Paris d'un côté et la province, qui existe toujours. Hein, ça, c'est cette dichotomie. Façon de dichotomiser est toujours présente, mais si vous voulez, il y avait l'idée qu'au fond, il y avait un degré d'autonomie des différentes strates, en particulier l'idée qu'il y avait des sortes de petits centres, et chaque j'avais beaucoup travaillé sur la représentation donc dans des villages ou dans des ou au niveau du département, et toute la représentation était centrée. C'est-à-dire qu'il y avait ce que j'appelais un polycentrisme. C'était à la fois une centralisation très très forte par rapport à Paris, mais de l'autre, dans la vision des gens, l'idée qu'on reconstituait à tous les niveaux des centres. Et l'idée d'un politique, c'était justement qu'il était celui qui vivait, qui était localisé au centre, et d'où l'image. Vous savez, il y a actuellement tout un débat sur le cumul des mandats et sur le fait qu'un député est maire, etc., ou conseiller général, et on reproche parce qu'il y a un cumul en termes de revenus. Et puis, il y a une façon de tout concentrer entre quelques mains. D'ailleurs, en France, je ne sais pas si vous entendez la radio, mais la télé ou je ne sais pas quoi, les médias disent tout le temps des fiefs. Il est retourné dans son fief. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Personne ne pose la question. Mais pourquoi vous dites tous les jours le fief? Moi j'entends. Je pensais en 2017 que, alors là, ça aurait disparu. Mais pas du tout. C'est-à-dire qu'il y a toujours cette représentation donc, que quelqu'un qui a un minimum de pouvoir, disons, il est au centre de quelque chose. Et c'est pourquoi il doit cumuler, puisqu'il doit être à la fois celui qui représente au niveau parisien, au niveau de l'Assemblée, au niveau national, disons. Il représente sa collectivité, mais en même temps, il est celui aussi qui la gouverne. La représentation, c'est une forme de pouvoir. Et il y a tout un débat, très, très complexe d'ailleurs, sur cette question, qui est de savoir si, au fond, il est nécessaire absolument de cumuler. Et on vous explique que pour des raisons, ne serait-ce que fonctionnelles, il est bon que quelqu'un soit à la fois représentant à Paris et puis gouverne dans son fief. Parce que, justement, en tant que représentant à Paris, il a rapport avec toutes les administrations centrales, etc. Donc, il pourra rapporter de l'argent, des projets et tout, grâce à cette position. Et en même temps, il est important, inversement, disent-ils, qu'un représentant ait un ancrage local, pour que ça lui permette d'être en contact, disent-ils, avec les réalités. En fait, ce qu'on observe, c'est que c'est une sorte de présupposé qui s'est mis en place très anciennement, et c'est là que l'idée de fief, à mon avis, fait sens, et qui il n'est absolument pas prouvé qu'on ait besoin de ce cumul, c'est simplement que ça fait tourner une certaine représentation. Et c'est ça qui est important. C'est-à-dire que ce n'est pas la fonctionnalité, le débat. Moi j'ai eu des tas de discussions avec des gens qui réfléchissaient en termes de fonctionnalité. Est-ce qu'il est plus fonctionnel de cumuler ou de ne pas cumuler? Est-ce qu'il faut justement avoir ces centres et tout? Les avis sont partagés, les argumentations. Mais ce n'est pas ça le problème. À mon avis, le problème pour l'anthropologue, et c'est là que la vision de l'anthropologue peut être intéressante, c'est de se demander en quoi cette représentation, elle est aujourd'hui, par exemple, viable. Et si elle est justement si elle n'est pas complètement décalée, au fond, de tas de pratiques qui amènent les gens à ne voir plus que les aspects négatifs de cette verticalité. Et c'est justement tout ce qui est dit aujourd'hui sur les politiques et sur ces problèmes de cumul, de familles comme le Cafillon qui, en profitant de tous ces avantages, évidemment, en font profiter aussi leurs proches, leurs parents et tout. Tout ça est complètement remis en question. Et là, il y a, à mon avis, un questionnement qui sera très présent, je pense, même dans la campagne, c'est-à-dire sur ces pratiques des politiques. Mais là encore, il ne faut pas se tromper. C'est-à-dire que vous pouvez prendre une attitude journalistique. Et c'est sûr que pour animer une émission, moi j'en ai fait des émissions comme ça, pour animer une émission, tout de suite, le journaliste il va dire « Ah ouais, alors vous cumulez 36 mandats, votre femme fait ça, vous trouvez ça normal, c'est scandaleux, les Français ont des difficultés incroyables dans leur vie quotidienne, et voilà. » Mais ça c'est une façon de voir les choses, et après on va dire « Oui, non mais bien sûr, on va réparer ça, et ça fait 30 ans qu'on nous explique qu'il faut que les gens soient raisonnables. » Mais en réalité, nous ce qui nous intéresse, c'est plutôt la question de cette représentation, et du caractère à certains moments anachronique de la représentation par rapport à la réalité des pratiques. Ça je crois que c'est là-dessus, et là-dessus on peut faire un travail qui est aussi un travail critique, c'est-à-dire que c'est pas seulement pour dire « Ah ben c'est comme ça, comme si c'était... » très loin et qu'on regardait les choses avec comme faisaient les anthropologues autrefois, mais c'est plutôt par rapport justement à une réflexion qu'on peut avoir sur le système politique tel qu'il se présente aujourd'hui. Et votre contribution, me semble-t-il, c'est justement une contribution à une meilleure connaissance et aussi à une meilleure manière de situer ce système politique par rapport à d'autres possibles. Il faut toujours cette idée que. Et c'est pour ça que je m'interroge beaucoup sur la question de l'État. C'est-à-dire qu'il faut toujours réfléchir sur ces autres possibles. Si vous restez dans le cadre de votre modèle et que vous le comparez, comme font... Il y a aussi beaucoup de comparatismes, mais ça, c'est pas spécifiquement... On dit toujours l'anthropologie, c'est le comparatisme. Mais en sciences politiques, il y a du comparatisme entre l'administration britannique et l'administration française, la façon dont les députés... J'ai des collègues qui travaillent sur les communes... à Londres par rapport à l'Assemblée nationale en France, etc. Et donc sur toutes les variantes de ces systèmes. Mais nous, c'est pas tellement les variantes purement formelles, c'est, je dirais, les représentations dont ces variantes sont la concrétisation, sont la matérialisation. C'est un peu ça qui nous intéresse. Et donc, c'est en particulier cette représentation de l'État. Et quand moi je dis penser au-delà de l'État, je ne dis pas que je suis pour l'extinction de l'État ou je ne sais quoi, ou que l'État n'a pas d'avenir. Enfin, ça, c'est, l'histoire dira, c'est pas là-dessus, j'ai pas à me prononcer. Mais en réalité, la question qui m'intéresse, c'est dans quelle mesure on n'est pas justement tributaire d'une conception de l'État qu'on a tellement intégrée, et notamment dans le cas français, qu'on n'arrive plus à en sortir et on n'arrive plus à avoir la possibilité, je dirais, d'autres alternatives. Et je ne dirais pas tellement il y a des alternatives pratiques et des alternatives politiques, mais il ne s'agit pas de prendre des positionnements politiques, mais plutôt des positionnements, pour le coup, intellectuels, qui peuvent ensuite avoir des répercussions politiques. Mais penser au-delà de l'État, parce que cette idée que je développe, elle me paraît typiquement s'inscrire dans une réflexion qui est une réflexion anthropologique, si vous voulez. Une réflexion anthropologique qui, à partir de cette pensée de l'au-delà de l'État, c'est-à-dire en se passant de l'autre côté, si vous voulez, en se passant de l'autre côté, on peut avoir ce regard sur notre fonctionnement et sur notre quotidien, si vous voulez. Et c'est ça qui est assez curieux, c'est que si vous prenez les deux bouts de la chaîne, il y a un bout qui est extrêmement concret et justement tout ce travail ethnographique très quotidien, très... Et où peuvent vous aider des outils non seulement comme l'écriture, mais aussi l'audiovisuel et toutes ces choses-là. Ça, c'est évident. Et puis, vous avez un côté qui est complètement abstrait, qui est un côté complètement réflexif. Et si vous n'avez pas les deux bouts de la chaîne, à mon avis, vous pouvez pas faire aujourd'hui, surtout aujourd'hui, l'anthropologie politique. Mais allez-y. Excusez-moi. Oui, c'est une discussion. Je ne vais pas interrompre parce que je n'ai pas bien compris. Et je pense que c'est un point important. Oui, allez-y. Si j'ai bien compris, vous venez de dire qu'il est pour nous important de mieux situer ce discours, oui, cette représentation politique, par rapport à d'autres possibles, et de penser au-delà de l'État. Et en même temps, vous apportez une certaine critique au fait de comparer avec d'autres systèmes politiques. C'est moi qui ne m'explique pas bien. Je pense que ce que je veux dire par là, c'est que... la comparaison en elle-même, telle qu'elle est souvent pratiquée, c'est un processus relativement empirique. Disons, on prend des données, on les met en regard et on essaye de voir les traits, quels sont les traits particuliers, les spécificités de tel système par rapport à tel autre système. Et ça, c'est important. Mais c'est très important. Et c'est, par exemple, si vous prenez les systèmes politiques africains, à l'époque où ça a été fait, hein. Depuis ça a été quand même beaucoup, beaucoup raffiné, mais il y avait cette idée justement de montrer qu'il y avait justement des formes de centralisation dans un cas, d'autres au contraire des formes de segmentarité, et ils essayaient de trouver justement des concepts qui permettent de penser ces différences. Et ça, c'est quand même un élément très important de l'anthropologie et qui a été particulièrement développé par les structuralistes, l'idée de penser la différence et de penser la comparaison en termes de différence. Non pas de penser ce qui est commun, mais penser ce qui est différent, ce qui est spécifique. Donc à chaque fois, faire apparaître des caractères spécifiques. Ça, c'est un point. Ça, c'est indispensable comme démarche quand on essaye de faire de la comparaison. Ensuite, la question, c'est de savoir, oui, mais comparer pourquoi ? À quoi sert une comparaison et qu'est-ce qu'on va chercher dans cette comparaison ? Quel est l'enjeu, en fait, d'une comparaison ? Et c'est là que je proposais de développer un point peut-être un peu plus abstrait, c'est-à-dire qu'est-ce qui nous amène à faire cette comparaison ? Pourquoi on cherche à faire des comparaisons ? Vous voyez, c'est du méta, mais en même temps, c'est en même temps très simple. Hein, c'est l'idée que si vous faites que de la comparaison, vous vous épuisez dans la comparaison. Vous comparez, mais vous ne savez même plus pourquoi vous comparez. En réalité, quelque comparaison que vous fassiez, implicitement, il y a quelque chose, vous recherchez quelque chose. Par exemple, dans le cas des systèmes politiques dont on parlait, il y avait certainement l'idée quand même de montrer qu'il y avait des formes justement non centralisées et qu'elles avaient une forte puissance et une forte cohérence et qu'on pouvait les faire rentrer dans un modèle, ce qui était un modèle alternatif par rapport à ça. Vous voyez. Donc c'est là que la comparaison prend tout son sens. Et de même, on pourrait, par rapport aux pratiques politiques, puisque c'est ça un des sujets sur lesquels on travaille, sur les pratiques politiques dans un pays comme la France, faire des comparaisons, c'est, je ne sais pas, si vous prenez le cas du présidentialisme et que vous le comparez à d'autres formes politiques européennes, ce type de pratique, ce type d'apparat aussi, toute la symbolique de la présidence, si vous la comparez à des formes, par exemple, dans les pays du Nord, de la manière dont les gens assument un pouvoir qui est aussi un pouvoir étatique centralisé, vous avez d'énormes différences. Et qu'est-ce que vous allez montrer? C'est ça. C'est, bon, une fois que vous aurez dit que c'est différent, ben on peut faire toute une... hein, comme disait Leach, la collectionneur de papillons, quoi. On peut faire la liste de toutes les différences. Mais ce qui est intéressant, c'est de montrer que peut-être par rapport justement à la cohésion sociale et par rapport aux pratiques qui sont dominantes dans le quotidien des gens, il y a un extrême décalage entre cette pratique de la présidence ou du gouvernement, cette pratique de la gouvernementalité, et même toutes ces symboliques de la gouvernementalité dans un pays comme la France et dans d'autres endroits. Et ça pose le problème, mais pourquoi, compte tenu du décalage croissant qui existe dans un pays comme la France, pourquoi on continue, par exemple? Ça, c'est là, à ce moment-là, vous introduisez aussi une notion de critique de la politique. Mais moi, je n'imagine pas, et ça, c'est aussi... là, on peut avoir des positions différentes. Mais moi, je n'imagine pas qu'on puisse faire de l'anthropologie politique sans déboucher sur un certain nombre d'éléments de critique de la politique. Je pense que ça fait partie de la fonction du chercheur. Et ce qui énerve d'ailleurs les politiciens et souvent les médias aussi. C'est-à-dire qu'on nous reproche évidemment de critiquer, mais c'est souvent un argument qui est un argument spécieux dans la mesure où on part toujours de l'idée que l'intellectuel est un intellectuel plus ou moins de gauche, révolutionnaire, contestataire et tout, donc il est gênant, donc voilà. Donc on n'a pas trop envie qu'il travaille sur ces questions. Et de fait, ces questions, depuis des siècles, elles sont envisagées, elles sont travaillées. Et il me semble que, qu'on le veuille ou non, on ne peut pas abstraire la position qui est la nôtre dans la société, et dans la vie politique, mais au sens très large, dans la vie de la cité, disons, et puis le travail que nous faisons. Ça, moi, je pars quand même de ce présupposé qui est un présupposé, qui est un présupposé réflexif, qui est cette idée que, voilà, on est toujours entre ces deux positionnements. Donc, voilà un peu ma réponse dans ce contexte. Maintenant, en termes de... Donc cette question que je développais sur penser au-delà de l'État, c'est un peu ça qui est important dans le type de travail qui vous est demandé, c'est-à-dire cette façon de se positionner. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, le fait d'avoir ces points de comparaison, le fait de sortir, et moi ça m'a été très utile quand j'ai travaillé justement sur la vie politique, et notamment la vie politique locale en France, c'est d'avoir des points de vue différents. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous réfléchissez, où vous avez observé des pratiques très très éloignées des nôtres, avec quand même des objectifs qui sont très proches, puisqu'il s'agissait de gouverner, il s'agissait de s'assembler, de délibérer, enfin toute l'activité finalement de la politique dans la cité, ça on la retrouve un peu partout. La manière dont elle est opérée, et notamment des formes qui sont des formes que moi j'appelle des formes de ritualisation ou des formes de symbolisation, ce sont des éléments qui sont très prononcés, évidemment, et très explicités dans un certain nombre de sociétés où elles sont présentes. Et je me suis aperçu d'une chose, quand j'ai commencé à faire du travail en France, et à l'époque, il faut bien dire que les anthropologues ne travaillaient pas du tout sur ces questions, enfin je disais en France, mais sur des sociétés occidentales, en gros, je me suis aperçu qu'en fait, il y avait également ces formes de ritualisation et de symbolisation. Mais les premières fois, je me souviens, où j'en ai parlé, ça a beaucoup choqué, je dirais, mes collègues politistes, enfin qui étaient spécialisés là-dedans, et qui se demandait, j'avais fait un article notamment sur François Mitterrand et sur le pèlerinage qu'il faisait tous les ans à Solutré. Et j'avais dit, bon, que François Mitterrand ait tous les ans envie d'aller à Solutré. Après tout, chacun de nous a des souvenirs. Il a été là pendant la guerre, pendant la résistance, enfin, etc. Il a connu son épouse là-bas. Enfin bref, tas de choses très, très émotionnelles. Et, bon. et puis pourquoi, mais pourquoi en faire quelque chose de national ? Et je me souviens que j'ai fait un exposé, c'était aux États-Unis, et j'ai fait un exposé là-dessus. Et je leur ai montré, parce qu'ils me demandaient, oui, mais là, vous parlez d'une histoire de ce type-là que vous connaissez parce que vous l'avez vu, etc. Mais en fait, c'est vraiment pas important. Et je leur ai montré que toutes les premières pages des journaux, le jour ou le lendemain du pèlerinage, étaient consacrées à ça tous les ans. J'ai dit, après ça, si vous me dites que c'est pas important. Et tout le monde savait Solutré, qu'ils allaient monter la colline de Solutré, ce qui est sans doute maintenant complètement oublié. Mais pendant des années, ça a été ça. Et si, en admettant que, je sais pas, on était dans un système totalement monarchique et que son fils lui ait succédé, je pense que Solutré serait resté dans les... récemment, Montebourg, quand il a fait sa déclaration de candidature, s'est situé dans la foulée de Solutré, puisqu'il est monté au Mont Beuvray. Et pour ceux qui connaissent un peu la Bourgogne, le Mont Beuvray est dans le Morvan, un peu l'équivalent de Solutré, qui est un peu dans le sud de la Bourgogne, qui est une sorte de colline d'où on domine des gens. Et ça, c'était exactement. Et ça a été. Il y a comme toujours le commentaire. Donc vous avez toujours le sous-texte. Il est monté au Mont Beuvray, mais ça n'avait. On nous a bien expliqué que ça n'avait de sens que parce que Mitterrand montait à Solutré. Or, Solutré était un événement extrêmement important dans la mesure où il y avait un certain nombre d'annonces politiques, surtout au moment de la cohabitation, quand j'avais étudié ça, qui étaient faites dans ce cadre-là, puisque Mitterrand ne pouvait plus tellement s'exprimer, Chirac à l'époque ayant tous les pouvoirs. Donc ça se passait, c'était à ce moment-là, disons, que tous les journalistes, ceux qui étaient en tout cas considérés comme représentatifs, montait à Solutré, suivait le président avec. Et alors, il y avait aussi les proches du président, donc il s'agissait de savoir quelle année, telle année, il y avait Jacques Lang, telle année, il n'était plus en cours, ou telle. Enfin, tout était observé à la loupe, la cour, quoi, en quelque sorte. Et puis, on redescendait de Solutré, on allait toujours dans le même restaurant, je ne dis pas qu'on mangeait la même chose, mais enfin bon. Et puis au dessert, le président faisait comme ça un certain nombre de messages, quelquefois un peu sibyllins. Du type, je me souviens que un des premiers messages, c'était que Chirac avait dit, moi je vais gouverner par ordonnance, vous savez, je vais avoir un certain nombre d'ordonnances sur des points de privatisation et qui allaient complètement à l'encontre, évidemment, ce qui s'était fait auparavant, après les nationalisations. Et Mitterrand a dit, à Solutré, moi je ne signerai pas les ordonnances. Or, il avait le pouvoir, effectivement, en matière de signature des ordonnances. Et puis, il a fait toute une série d'autres annonces et on attendait Solutré. Et Solutré était, par exemple, et c'était une observation que j'avais faite, c'était le jour de la Pentecôte. Alors vous savez qu'il y a toute cette idée de la Pentecôte qui est pour les chrétiens, qui est cette idée aussi que tout d'un coup, il y a une possibilité de faire des messages que les langues, il y a plus la barrière des langues tombe et tout d'un coup on transmet d'emblée toutes sortes de messages et c'est le moment. Enfin ça, je pense que dans l'esprit de Mitterrand, et d'ailleurs il l'a confirmé puisque il y avait cette idée effectivement d'une communication directe, immédiate et presque miraculeuse, parce qu'il y avait tout le temps cette idée quand même qu'il y avait la Pentecôte. Et donc on arrive à un moment de condensation symbolique extrêmement fort, une sorte de fait social total, comme on disait, où sur une journée, tout est à la fois la symbolique du pouvoir, la montée, enfin ça c'est aussi la question de la verticalité, monter sur la colline et voir de la colline justement un site préhistorique, la préhistoire de la France. Également un site où il y avait eu beaucoup de résistance, dont la résistance dont le président se réclamait. La Pentecôte, enfin vous voyez, à la fin, vous avez, et j'expliquais que, et ça s'est confirmé par la suite, qu'une grande partie du pouvoir mitterrandien, dans la phase où il a été le plus contesté, donc dans cette phase de cohabitation, se jouait sur la symbolique. C'est-à-dire garder la puissance de symbolisation, ce que n'ont jamais réussi à faire d'ailleurs ses successeurs, et notamment le couple, si j'ose dire, Sarkozy-Hollande. Évidemment, sur ce plan-là, ont été absolument mauvais. Mais il y avait, par exemple, par rapport à Chirac, il y a eu sans arrêt des affrontements sur ce type-là. Il faut voir que, je terminerai cet exemple, mais Mais il faut voir que pendant toutes ces années entre 86 et 88, Mitterrand n'avait vraiment plus aucun pouvoir. Moi, je voyais à l'Élysée les conseillers, tout le monde faisait pratiquement plus rien, puisque en fait, il n'avait que des pouvoirs de négociation internationale, mais l'autre était toujours en train de l'accompagner et de mettre la pression pas possible. Et en fait, ce qu'a fait Mitterrand tout le temps, c'est un certain nombre d'actes symboliques forts. Il y a eu notamment à un moment des problèmes avec les étudiants, un étudiant qui a été tué, Malik Oussekine. Et Mitterrand, dès le lendemain, est allé rendre hommage à un des fondateurs, à Paul Bert, l'un des fondateurs de la laïcité, lors d'un voyage qu'il faisait en Bourgogne. Bon, il est allé en Bourgogne, il est allé au cœur d'une certaine France laïque et voulant développer l'université, voulant développer le savoir. Il a fait tout un discours. Et évidemment, il a récupéré le morceau, puisque l'autre a été considéré comme créant, en fait, le dissensus, le désordre, alors que le président doit assurer cette symbolique du rassemblement. Et puis, dernier point dans cette lutte pour la symbolisation, c'est le débat qu'il a opposé au moment des présidentielles, au deuxième tour, avec Chirac, et où Chirac est parti sur un ton assez assuré en disant... Oui, Mitterrand lui dit, Monsieur le Premier ministre, puisqu'il était encore Premier ministre, vous dites ci, vous dites ça, et Chirac a dit, non, mais moi je ne suis pas Premier ministre, et vous n'êtes pas président, nous sommes tous les deux candidats. Là, il a fait un truc assez fort, et puis Mitterrand lui a dit, oui, Monsieur le Premier ministre. Et ça a cassé. voilà, c'est des choses... Et il a continué calmement à l'appeler, l'autre l'appelait Monsieur Mitterrand et lui disait Monsieur le Premier ministre, en le remettant toujours à cette place de Premier ministre qui n'avait pas réussi, dont il n'avait pas réussi lui-même à s'émanciper. Ça, c'est des batailles typiques qui vont jouer. Et c'est des choses que nous, on peut observer parce que je pense qu'un des aspects importants de ce travail, c'est sur ces modes de symbolisation et évidemment la manière dont ils vont être reçus. Parce que, et c'est là, par exemple, quand vous êtes sur le terrain, que vous allez observer ça. C'est-à-dire que je pense que pour l'instant, on est à une phase où on est plutôt dans des sortes de débats, de discussions sur, entre guillemets, des idées ou des messages, etc. Mais à un certain moment, vous allez avoir une réaction des gens par rapport à tel ou tel comportement. Quand on dit, est-ce qu'il n'y aura pas... et ça, c'était le problème qu'avait, par exemple, Sarkozy, c'est la question des dérapages. C'est-à-dire, s'il a une façon de se tenir ou d'insulter quelqu'un, ou de s'énerver s'il reçoit une claque, ou je ne sais pas. Enfin, il y a tout un... Et puis, à un certain moment aussi, quelle est la portée d'un discours qui se veut présidentiel dans le système, encore une fois, dans le système français. C'est-à-dire qu'un Premier ministre suédois ne va pas du tout avoir le même comportement. Un Premier ministre suédois, il va se situer au niveau du langage de, je sais pas, qu'on a eu hier, enfin de Hamon ou de Valls, c'est-à-dire un langage relativement technique, fonctionnel, disons. Mais à un certain moment, ce que les gens attendent, c'est quelque chose qui est une sorte de transsubstantiation. Ou en tout cas, le système a été pensé comme ça. Et ça c'est aussi une des choses qu'il faudrait vraiment observer de près, c'est si ça a changé et si l'attente des gens est différente. Si je peux me permettre, ouais. Je pense au débat d'hier. Ce truc sur le tutoiement, en fait, maintenant ils se tutoient, ils s'appellent par leur prénom. Voilà, les candidats, je ne me rappelle plus pour la primaire de la droite, comment ils se nommaient les uns les autres. Si, il y a eu du tutoiement également, et il y a eu cette idée, oui, qu'ils se connaissaient, que quand même, oui, ce serait important. Il faut donner à son camp parce que on est dans le même camp. Donc il faut toujours, enfin, faut pas oublier qu'ils ont toujours l'idée qu'il faut récupérer tous les électeurs qui déjà, dont déjà le candidat par exemple a été éliminé ou ceux qui seraient susceptibles, etc. Donc il faut garder ça. Eux, leur problème immédiat est plus complexe qu'une primaire ou qu'un débat classique de la politique entre pour et contre. En réalité, leur problème, c'est qu'il leur faut une participation suffisante quoi, pour qu'ils acquièrent un niveau de représentativité. Donc, ils ont intérêt quand même à ce qu'un maximum de gens votent. Donc, s'ils se présentaient en s'agressant, même celui qui réussirait partirait avec un énorme handicap. Donc, je pense que tous les deux avaient ça en tête, et même dans le précédent tour, c'était comme ça. Donc ça, c'est quelque chose aussi de complètement nouveau, on peut dire, c'est-à-dire le fait que le parti politique sortant, qui devrait avoir quand même une assise très forte, est complètement, sort complètement affaibli et est en recherche, en fait, de se relégitimer. Donc vous avez ça, vous allez avoir ça en permanence. C'est-à-dire que... et ça, ça va se jouer, à mon avis, après la... Ça va se jouer, en gros, en février-mars. C'est-à-dire de savoir s'ils vont pouvoir arriver plus ou moins à s'entendre, puisqu'ils sont pris en tenaille entre Macron et Mélenchon, et s'ils vont arriver, en tout cas, à réunir, soit qu'eux s'effacent devant l'un des deux, soit que, bon, c'est pas du tout acquis, mais de la part des gens, il y a aussi une attente de ce côté-là. Et ça, c'est aussi une chose qui mériterait vraiment d'être observée, c'est quelle est en réalité l'attente des gens. Parce qu'en fait, quand vous raisonnez en termes de médias et en termes de politologie, si on peut dire, qu'est-ce que vous regardez? Vous dites, si Macron, si Amons ou si Valls se rallie à Macron, donc ça va renforcer les choses, ou alors, mais il y aura quand même Mélenchon, mais finalement, il y en aura des gens. Mais en réalité, les gens voient toujours en termes de... au niveau des représentants. Et ils ne voient pas au niveau de ce qui se passe dans les couches profondes. C'est-à-dire qu'ils pensent que si vous ajoutez, par exemple, si vous ralliez, si des têtes entre elles se mettent d'accord, les gens vont immédiatement suivre. Mais on n'en sait absolument rien. On n'en sait absolument rien. C'est pas parce que y en a un qui s'effacera qu'immédiatement tous les gens qui le suivent iront ou seront intéressés. Au contraire, ça peut avoir des effets. Et ça aussi, quand on fait ces observations sur le terrain, on peut avoir beaucoup d'éléments que n'ont pas en réalité les médias. Parce que les médias, les systèmes d'enquête, si vous voulez, les systèmes d'enquête, et là je prends des aspects beaucoup plus techniques, le type de questionnaire qu'on fait est tel que, en fait, ce que les gens disent, si vous dites, qu'est-ce que vous feriez si, par exemple, tel ou tel se retire, vous dites de gauche, donc alors, vous allez dire, alors on vous donne deux noms, est-ce que ça serait Macron, est-ce que ça serait Mélenchon, donc vous allez dire Mélenchon, mais à l'arrivée, vous n'êtes absolument pas sûr que, une fois que les gens ont dit ça, c'est comme ça qu'ils vont vivre la campagne. Ça dépend complètement dans le fil des choses, vous n'avez aucun aujourd'hui, et ça c'est très frappant aujourd'hui, vous n'avez pas mécaniquement, disons, des tendances qui font que immédiatement ça suit. Et ça, on l'a vu, je prends le cas des États-Unis, parce que les États-Unis, c'est pareil. Les gens ont dit, si vous prenez ajouter les femmes, toutes sortes de catégories comme ça, vous aurez Clinton, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai entendu combien de fois j'ai entendu, tu vois. Et moi, je disais, tu vois, en septembre, tu vois, je disais, moi, j'étais assez persuadé que ça serait Trump, parce que effectivement, il y avait toutes sortes d'éléments. Dès qu'on avait des retours de terrain, justement, parce qu'il y a quand même des journalistes qui vont voir ce qui se passe, on voyait la détermination, surtout, de ce type d'électorat. Alors qu'on voyait le flottement, après la primaire avec Sanders, oui, on voyait que c'était pas du tout gagné de l'autre côté, et que même si vous ajoutiez, et ça, c'est une sorte de présupposition à partir de sondages, vous mettez cela, et vous avez le truc. Et vous allez voir qu'en France, c'est un peu la même chose qui risque de se passer. D'autant que c'est vraiment le phénomène, à mon avis, l'un des plus intéressants à étudier, dont je parlais tout à l'heure. On ne sait pas aujourd'hui en France comment les gens vont réagir par rapport à l'idée même de politicien, quoi, l'idée de politicien. Et ça peut avantager certains, comme dans une certaine mesure Macron, qui arrive comme un peu neuf par rapport aux autres, et que tout d'un coup il peut y avoir une espèce d'engouement, on ne sait pas. Mais et l'idée du décalage entre les politiques, ça peut faire des ravages dans l'autre sens, c'est-à-dire que les gens vont s'assurer que le système doit être détruit et qu'il faut faire passer l'extrême droite qui, justement, est en dehors se présente, hein, comme en dehors du système. Il y aurait, si vous voulez, un vote qui pourrait être un vote aussi, transgressif par rapport à ça, qui s'accorderait d'ailleurs avec l'idée qu'on voterait justement pour le coup pour une femme. Alors que si vous prenez là aussi des éléments de symbolisation, voter pour une femme pour la présidence, on l'a vu avec Ségolène Royal quand elle s'est présentée, c'est quelque chose de compliqué. C'est pas quelque chose de complètement évident. Et ça aussi, c'est un élément qui serait intéressant à interroger sur le terrain. C'est-à-dire comment les gens réagissent en termes de genre, justement, sur cette question électorale. Hein. C'est pas, parce qu'au fond, beaucoup de gens, en particulier dans nos milieux, ils voient, quand ils voient Marine Le Pen, en fait, ils pensent Le Pen, ils pensent extrême droite, ils pensent son père, ils pensent bon, tout un tas de choses assez répulsives, il faut bien dire. Mais l'idée de, par exemple, que c'est une femme et tout, passe relativement au second plan. Alors que je pense que dans d'autres milieux, qui même peut-être seraient plus favorables à voter pour elle, ça peut présenter une difficulté ou être un élément de perplexité. Donc, c'est pour dire, vous voyez, il y a plein de choses sur lesquelles on peut essayer de réfléchir, mais à mon sens, s'il fallait, si, ce qui serait intéressant là dans la discussion, on peut discuter là maintenant, parce que moi je vous ai présenté un petit peu tout ça, mais voilà, c'est oui. Par rapport à la représentation, la symbolisation, oui. Il y a un nouveau concept qui est apparu justement oui. aux États-Unis, c'est les faits alternatifs. Tu peux, qu'est-ce que tu en penses de ça? Les faits alternatifs. Ben oui, c'est le pour justifier cette espèce de décalage du discours, on a présenté ça comme un fait alternatif. Ah, les faits alternatifs. Oui. Bah, je pense que là aussi, ce qui s'est passé aux États-Unis, oui, c'est typiquement une chose. Fait alternatif, ça correspond bien à ce qui se passe. C'est-à-dire que il me semble que. Enfin, moi, je l'interprète en termes aussi de forme de transgression. En fait. C'est un peu ce qui s'est passé aux États-Unis. Je ne sais pas si tu vois. C'est un peu. Les États-Unis, c'est typiquement tout a été, on peut dire, fait à l'envers. Enfin, toute une série de choses que je dirais qui sont de l'ordre de la ritualisation. Parce que si vous prenez une campagne présidentielle, en tout cas en France, mais c'est pareil aux États-Unis, c'est un récit, c'est un certain récit. Et on sait qu'il va se passer. Il y a des bons, il y a des méchants. Et les bons vont gagner contre les méchants. Mais le bon, il aura des problèmes au début. Il va être attaqué. Enfin, c'est tout. Je me souviens d'un article à propos de, à partir du livre de Vladimir Propp, vous savez, qui est un livre des années 20, un sémiologue soviétique qui avait écrit tout ce livre sur les contes merveilleux. Et qui, c'était une analyse sémiologique des contes avec les histoires d'actants, avec des points de départ, enfin c'est une espèce de récit qui partait justement et ça collait très bien parce que c'est très souvent les acteurs ont des moments qui sont des moments on a l'impression qu'ils vont perdre, qu'ils vont être ils sont dans des situations extrêmement difficiles et puis ils se relèvent, enfin dans le cas par exemple de Chirac quand c'était en 95 là avec Balladur, Chirac était complètement écarté, il était dans sa retraite, il avait quasiment disparu, et puis il revient, et puis il reprend les choses en main, et puis tout d'un coup, il devient l'espèce de chevalier blanc de la fracture sociale, et il repense complètement tout, et voilà, c'est typique aussi. Chirac arrive avec un message que n'avaient pas du tout anticipé les autres, et qui est cette idée de fracture sociale qu'il avait pris d'ailleurs chez des gens plutôt à gauche, et qui finalement, il n'a absolument pas appliqué quoi que ce soit de ce qui avait été... Mais le fait est que oui, et donc ça fonctionnait de cette manière-là. Dans le cas de Trump, vous avez un récit qui est tout le monde s'attend là aussi à quelque chose qui va se faire, qui va s'épurer, et puis qu'on aura deux candidats, et puis que ces deux candidats appartiennent aux deux grands partis, et qu'effectivement Trump va créer des difficultés, mais c'est beaucoup joué à la. Moi, je pense que l'élection américaine, elle s'est énormément jouée à la primaire, c'est-à-dire que elle s'est fait descendre à la primaire, je pense beaucoup plus d'ailleurs. Après, c'était difficilement récupérable. Et dans le cas de Trump, justement, il a réussi à présenter quelque chose qui était tellement, tellement transgressif et tellement violent qu'il a réussi à rallier des gens qui avaient en eux cette violence contre ce qu'ils considéraient comme un système qui les avait spoliés et contre les élites. Qui était pour eux complètement pourri. Donc c'est, vous pouvez avoir des récits de ce genre dans le cas français. Parce que, voilà. Mais je ne sais pas s'il y avait d'autres. Oui, il faut y aller. Hein. Ouais, ouais. Parce que... Il y a Jacques Lombard aussi qui est là. Je suis désolé. Mais... Non, mais c'est moi qui suis désolé d'être entendu. Quand je vous écoute, je me questionne sur comment appliquer ce type d'études de terrain, donc autour des élections, donc une étude qui paraît très assidue et dans le suivi sur une période très concrète. Comment appliquer cette posture et ce type d'études de terrain dans notre atelier où concrètement, on va avoir une période de tournage de 4 jours. Je mets peut-être la charrue avant les deux. Mais en fait, en vous écoutant, je me dis, comment on va faire? Ouais, non, mais... J'ai l'impression que... Mais ça se construit aussi, parce que en fait, là, on n'est pas encore choisi... les thèmes sur lesquels vous allez travailler. Et là, il y a une perspective qui est ouverte, qui vous permet de voir autrement que ce que nous-mêmes nous pouvons penser par ailleurs, lisant les journaux. Voilà, c'est ça, en fait, on n'a pas encore... On va discuter, il y a beaucoup aussi d'autres séances qui viendront, sur différents aspects, un peu dans ce qu'il a évoqué là, sur les aspects. Donc, ne vous inquiétez pas pour ça. Oui. À la fin, ça va être un peu plus inquiétant si on n'a rien. Et puis, c'est en termes plutôt de durée de chômage, voilà, finalement, puisque, et de travail collectif qu'on peut résumer. Parce que le tournoi, si vous n'avez rien fait avant, bon, oui, voilà. En fait, je me demande quelle est la. Mais je ne sais pas quel est votre programme. Je ne sais pas si vous comptez rester plusieurs jours sans si vous restez uniquement les 4 jours de tournage et non. C'est tout. Ou s'il y a une préparation et si vous immergez un peu dans le. La place du tournage dans la recherche globale. Il faut préparer. Il y a une préparation. Il y a des repérages à faire. Non, tout se fait. C'est pour ça qu'on commence tôt. Oui, qu'il faut, c'est aller. Enfin, je sais pas quels sont les lieux qui ont été retenus finalement, il faut aller y voir et il faut à ce moment-là. Mais c'est, à mon avis, c'est ce qui est intéressant, c'est de partir, mais pas naïvement, parce que je crois pas que justement quand on est dans une durée courte, de toute façon, faut construire quelque chose. Donc de fait, il y a un aspect un peu arbitraire. Les choix théoriques vont quand même jouer un certain rôle. C'est-à-dire, si vous travaillez, par exemple, sur les formes aujourd'hui, la manière dont est reçue la symbolisation dans ce type de campagne, si vous privilégiez ça et si vous commencez à parler de ces choses-là, manière dont les gens voient un président, quelle est leur représentation d'un président ou éventuellement d'une présidente, vous allez parler avec les gens. Donc, mais c'est aussi les gens qui vont dire, vous allez voir tout de suite quelles sont les questions que se posent les gens, qui sont très liées, à mon avis. Si vous allez aujourd'hui dans la rue, avec les deux choses qui sont passées, donc l'affaire Fillon d'un côté et le dernier débat pour la primaire, je suis persuadé que les gens, ils ont plein de choses à raconter et que ça va être le point de départ. Donc vous allez là-dessus, vous allez vous dire, oui, mais c'est bizarre, c'est ça qui les intéresse. Quelquefois, on n'y pense pas du tout. Des choses qu'ils vont dire sur je ne sais pas quoi, sur le cumul, sur la critique des politiciens, ça n'a pas d'importance. C'est à partir de là que vous allez essayer de donner à voir, et c'est ça l'intérêt du film, une certaine représentation justement de la politique chez les personnes. Évidemment, là encore, c'est très partiel, et c'est un peu même partiel, mais c'est pas grave. C'est-à-dire que c'est d'essayer de montrer à travers la façon dont les gens peuvent réagir aujourd'hui. Et justement, il faut, à mon avis, il faut tout à fait vous situer en contexte. Vous avez deux solutions. Vous pouvez aussi faire choses, justement, ce que font les gens d'interview générales et tout. Mais moi, je crois que c'est plus intéressant, puisque c'est de faire venir à vous les représentations des gens à partir de la manière dont ils réagissent dans le contexte. Parce que là, vous allez être dans un bon contexte de tension. Et il faut l'utiliser au maximum. Moi, c'est mon avis, c'est très situationnel, comme dirait Ballandier. Et d'après vous, ou d'après vos recherches, est-ce qu'il y a des revirements de positionnement, de réception rapide, justement, avec un tel... Ah oui, moi, je pense qu'actuellement, il y a... Moi, ma façon d'analyser plus généralement les choses, c'est qu'on est dans une période... que j'appelle une période de basculement. Je pense qu'on est dans une période de basculement, c'est-à-dire qu'on a basculé, qu'on le veuille ou non, dans la globalisation. Et pas, il y a tous ces aspects économiques sur lesquels je vais parvenir et qui ont été amplement développés, hein, globalisation en termes de circulation accélérée, intensification des interconnexions aussi au niveau de l'information, enfin toutes ces choses-là qui font que chacun d'entre nous est maintenant dans des positions, dans des représentations de soi-même, ce qu'appelle l'expérience anthropologique de la globalisation, qui fait qu'on est à la fois ici et puis on est à la fois plongé dans le monde via Internet, via des choses qui font sens, et surtout avec la perception que ce qui nous arrive a des répercussions ailleurs, et que ce qui arrive ailleurs surtout a des répercussions sur nous, et que finalement rien n'est complètement dans ce contexte-là. La centralité, elle est complètement remise en cause, la centralité de l'État, de l'État-nation en tant que tel, la centralité du politique qui est le grand président qui autrefois, encore sous Mitterrand et tout, était aux manettes, et que de toute façon, ou même s'il faisait, que ça soit bien ou pas bien, c'était quand même lui qui avait le contrôle. Or, tout le monde le ressent comme... non, c'est plus comme ça que ça se passe. D'où des réflexes qui sont des réflexes anxiogènes, je dirais, par rapport à cette situation. À mon avis, la politique aujourd'hui, elle est conditionnée, mais ce n'est pas du tout un phénomène spécifiquement français, par ces réflexes anxiogènes. Parce que j'appelle... Moi, je parle de politique de la survie, c'est-à-dire que je considère aujourd'hui que l'action politique est déterminée, disons, par une représentation... du futur, du rapport au futur. Alors que très longtemps en France, moi, ce que j'ai observé, c'était qu'elle était complètement déterminée par une représentation du rapport au passé, de l'histoire, la tradition, des clivages politiques, la gauche, la droite, les cléricaux, les laïcs, etc., qui existent également encore. Mais ce qui prend le pas, c'est ce rapport au futur considéré comme incertain. Et aussi une certaine perte de repères, justement par rapport à cette idée qui était si forte de la centralité. Donc face à cette incertitude, la question, si vous voulez, la question politique qui était l'organisation d'un monde meilleur, enfin, après, avec toutes les options possibles, ce que j'appelle la convivence, enfin être ensemble et trouver les meilleures manières d'être ensemble, qu'on soit libéraux ou socialistes. Mais là, aujourd'hui, c'est pas ça. C'est faire en sorte, le politique, c'est l'objectif, c'est faire en sorte que demain ne soit pas pire qu'aujourd'hui. En gros, c'est ça. C'est-à-dire, oui, c'est l'idée. Mais ce n'est pas une question de pessimisme ou d'optimisme, c'est plutôt une question... Là encore, quelquefois, on me dit que je suis pessimiste, mais c'est pas ça. L'enjeu, c'est qu'il y a une vision, peut-être qu'il y a une vision aussi plus réaliste des choses, hein, et qui consiste à dire, c'est pas seulement le moindre mal, c'est l'idée d'une réorganisation des choses, sachant qu'il y a les menaces environnementales, sachant qu'il y a ces menaces sécuritaires, sachant que surtout il y a ce renversement par rapport à justement aux représentations qu'on pouvait avoir de la centralité de l'État-nation, tout ça pèse lourdement, d'où des réactions qui sont violentes et opposées, et des positionnements, notamment par exemple si vous prenez sur le problème européen, c'est évident que c'est tout ça qui conditionne le problème européen. L'autre jour, j'étais à Londres. C'est évident qu'on a eu des discussions, là, c'était avec des gens de la LSI, et c'était incroyable parce que eux, ils le vivent, le Brexit, complètement par rapport à la globalisation, comme un effet de la globalisation et comme un moyen de se retrouver soi-même. Non pas du tout que les Anglais soient sur le plan économique des gens fermés sur eux-mêmes, mais ils veulent garder le contrôle. Et aussi désigner, parce qu'il y a tout le temps cette idée qu'on désigne quand même un bouc émissaire, qu'on désigne, on cherche à... Et l'Europe, en l'occurrence, fait fonction de bouc émissaire, et il y a toutes sortes d'arguments, d'ailleurs, qui vont dans ce sens-là. Mais c'est quelque chose qui, évidemment, conditionne complètement, ensuite, toutes les propositions politiques qu'on peut faire, et aussi les attitudes, les comportements qui vont être ceux des gens qui vont voter. Ça, c'est évident. Donc, ça, c'est des thèmes, à mon avis, qui rentrent aussi dans les discussions que vous aurez avec les gens. Parce que ça vient. Moi, je suis étonné souvent maintenant que quand on parle avec les gens des élections, ils parlent de choses qui ont beaucoup plus trait à la situation de la France dans le monde. Moi, je vous assure que ce n'était absolument pas le cas. Et ça, et encore, j'ai connu des milieux d'agriculteurs qui avaient une très bonne connaissance, par exemple, de l'Europe. J'étais sidéré aussi à l'époque Dans mon milieu intellectuel, personne ne connaissait rien au fonctionnement de l'Europe. Quand je faisais un exposé, c'était une catastrophe. Les gens me regardaient avec des grands yeux et j'étais amené à faire à faire des trucs comme ça avec des agriculteurs. Et eux, ils avaient, bien évidemment, puisqu'il y avait la politique agricole commune, et ils savaient ce que ça voulait dire. Et il y avait des pour et des contre. Mais là, enfin, pour dire, vous êtes dans ce contexte. Donc il y a plein de sujets. En réalité, c'est même il y a plein de sujets. Et surtout, vous allez voir comment les préoccupations des gens. Ce qui est presque plus intéressant, et moi j'ai toujours pensé ça sur cette anthropologie politique, c'est que à partir du politique, les gens vous disent plein de choses sur la société, sur les pratiques et sur le quotidien. Et surtout dans un pays comme la France, où, qu'on le veuille ou non, il y a cette idée que la politique est quelque chose d'important et que on doit avoir, on a plus ou moins des opinions, des façons de voir. Mais allez-y, hein, moi je. Oui, d'autres questions? On va faire. Oui, d'accord. Moi, j'en avais une. Bon, j'ai peut-être pas tout suivi ce que vous avez dit, mais à un moment donné, quand vous parliez de Mitterrand et de son rituel, en fait, c'était pour. Est-ce que c'était pour mettre en avant les modes de symbolisation du pouvoir, c'est ça? Enfin, oui, oui. Ouais. Et du coup, je me suis. Donc, vous avez dit après que Chirac et que Sarkozy ne l'avaient pas vraiment fait. Moi, je me demandais s'il n'avait pas justement, pas fait d'une autre manière, mais justement était parti sur une autre construction de leur image différente, justement en lien avec les médias, parce que Sarkozy était beaucoup avec les médias, mais d'une autre façon. Et donc ça, c'est pas... Je pense que ça ne symbolise pas le pouvoir, en fait, ce qu'il a fait Sarkozy avec les médias, pas du tout. Mais justement, et qu'est-ce que ça dit de... Ouais. De ça. Mais, c'est-à-dire, si vous voulez, dans le cas effectivement de Sarkozy ou d'Hollande, la différence, c'est que c'est vrai qu'ils ont recours en fait à des constructions qui sont le fruit des conseils des communicants, hein, ce qu'on appelle les communicants. Donc, ce sont des gens qui sont soit d'anciens journalistes, soit, enfin, c'est exactement le milieu. Et on, effectivement, on peaufine un certain type d'image. Et c'était une question qu'on m'avait souvent posée à propos du cas de Mitterrand, mais moi, ce que j'ai pu observer, c'est que dans le cas de Mitterrand, c'est lui qui constituait, en fait, à travers beaucoup de choses, des allusions à ses lectures, à sa culture, à son passé, des pratiques comme cette histoire de Solutré et tout, il a construit quelque chose sur la durée, et les médias n'ont plus qu'à, en fait, reprendre. Parce que c'est aussi une des choses qu'on m'avait dit... des gens comme, je me souviens, Dominique Volton, des gens qui étaient grands spécialistes, on avait eu beaucoup de discussions sur ces choses-là, des sciences de la communication, et qui disaient, oui, mais en fait, tout ça, c'est il peut se payer tous les communicants qu'il veut, donc c'est eux qui ont... Mais pas du tout, pas du tout. Je veux dire, bien sûr qu'ils ont complètement relayé tout ça, mais la force que ça a pu avoir, c'est que précisément, c'est lui qui a inventé, et pas seulement inventé, qui a vécu, en quelque sorte, sa propre symbolisation, enfin je veux dire son histoire de Solutré. C'est vrai qu'il a fait Solutré à partir de la guerre, il est allé régulièrement à Solutré. Alors la question c'est quand ça bascule et pourquoi il s'est dit ça va être public. Ça c'est son génie particulier, disons, d'avoir... Mais à la limite, je ne pense pas du tout que ce soit un conseil de communicants. C'est que ça allait complètement... De toute façon, quand vous êtes dans ces processus-là, même dans des constructions d'images, si l'image n'est pas cohérente, avec vos façons d'être, je dirais même avec des choses très très quotidiennes qui vous caractérisent, à un moment ça va déraper. Vous pouvez pas Sarkozy s'il est tout le temps dans cette suractivité, dans cette espèce de débordement, dans éventuellement insulter des gens et tout, c'est Sarkozy. Vous pouvez pas le cadrer. On a essayé et tout, mais ça, évidemment à ce moment-là il a l'air fait bizarre, quoi. On a l'impression qu'on lui a donné des comprimés. Mais non, mais dans les médias, c'est exactement comme ça que ça marche. Vous ne pouvez pas en politique. Moi, je pensais à sa place dans les magazines People et tout ça. Ouais. Oui, alors il y a tout ça. Ah, oui, non, alors ça, c'est tout ça. Alors ça, c'est de l'image, justement. Et ouais, ça, c'est là que ça peut complètement déraper, justement. C'est ce qu'il a. Disons que le déficit de symbolisation, il s'est traduit par. Justement, un surcroît de production d'images people, etc. Et ils se prennent les pieds dans le tapis. Idem pour Hollande. Hollande, ça a été une catastrophe dès le départ, quoi. Avec son histoire là. Et c'était, il était, Hollande était avec une journaliste. Hein, et c'est Hollande, ce qu'il a, une des choses qui l'auront plombé, c'est ça, c'est ce rapport avec cette journaliste. Et ça, il faudrait réfléchir non pas sur la vie privée et l'intérêt de, mais c'est vrai que je pense qu'elle a beaucoup contribué à travailler, à l'aider à travailler son image. Donc elle a eu un rôle assez important. Et c'est pour ça que, dans une certaine mesure, elle a pu être un agent de démolition. Aussi important, quoi. Et cette idée du rapport, d'ailleurs, des politiques avec les journalistes, qui est intervenue pratiquement dans cette génération, où il y en a quand même un certain nombre, cette espèce de rapport un peu incestueux là, entre la politique et les médias, ça a des effets qui, à mon avis, à terme, vont aussi amener à revoir complètement, enfin, de la part des politiques, à revoir complètement ces trucs-là. Je pense que ils ont commencé à comprendre que c'était extrêmement dangereux, en fait. C'était extrêmement dangereux. Mais ça, c'était aussi un problème, je dirais presque, un problème d'addiction, en fait. Il y a un problème d'addiction qui est... Ah oui, ça je l'ai vu. Je veux dire qu'un communicant lambda pouvait arriver à voir un politique de très haut niveau, et s'il lui disait une phrase qui apparaissait comme une sorte de formule magique, le type, il le recrutait dans les 10 minutes. J'ai vu des gens, non, mais c'est vrai, le type après le virait quelques mois plus tard, tout aussi rapidement. Oui, non, mais c'est des professions incroyables, c'est incroyable ça. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi ce qu'on avait observé aux États-Unis, une sorte de décalage entre le milieu journalistique et ce qu'on peut appeler le pays réel, qui est des journalistes qui ont confessé que. Et eux-mêmes, ils ne comprenaient plus, ils n'avaient que les sondages dans la tête. Trump a joué là-dessus. Oui, absolument. Et que lui, il avait compris un peu comme Mitterrand. Et il y avait deux mondes, le monde fictionnel entretenu par. Mais il faut voir, si vous voulez, quand les grands journalistes qui font ceux qui font les grands interviews, genre El Kabach, ou les gens comme Gisbert qui font les éditorialistes, d'abord, vous avez une chose incroyable, c'est la permanence de ces gens. Ouais. Qui durent jusqu'à 80 ans, ils sont encore. Ce qui est extraordinaire, c'est continuer à faire exactement le même genre de journaliste pendant 30 ans. Ce n'est pas le fait qu'ils travaillent à cet âge-là et tout ça, ça c'est tout à fait respectable, mais le fait que ça n'a pas bougé d'un cran, quoi. C'est toujours les mêmes, et surtout dans un pays relativement quand même limité comme la France, on va retrouver sans arrêt, et même les. On a l'impression qu'il y a une espèce de formatage de ces journalistes, parce que ceux qui sont plus jeunes, là, je regarde des gens, par exemple, sur BFM et tout, ils reprennent à peu près tout l'éthique des autres. Et une fois qu'ils sont dans ces positions-là, c'est vrai qu'ils n'ont absolument plus... Aller dans un cocktail avec des politiques, et je me souviens de trucs à l'Assemblée nationale avec des journalistes et tout, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que vous êtes dans... Là, vous voyez ce que Barr appelait le microcosme. Vous êtes dans le microcosme. C'est-à-dire qu'on parle uniquement de choses dont personne ne parlera, d'un truc que machin couche avec telle personne. On a l'impression que c'est... chacun peut faire son discours et se positionner d'une manière ou d'une autre. Mais en gros, les intérêts sont extraordinairement limités. Et en même temps, il y a une... À mon avis, une très très faible écoute des gens qui essayent de parler à partir justement d'expériences plus de terrain. Quoi. Les seuls gens qui sont respectés, c'est justement les gens qui arrivent avec des chiffres. Parce que ça, ils en ont un peu peur. Et puis, en général, la plupart n'y comprennent strictement rien. On ne comprend pas, mais je veux dire, l'expérience commune, même chez des journalistes qui ont fait ça toute leur vie, c'est qu'ils ne savent même pas comment on fait un sondage. Ils ne se sont jamais en réalité penchés là-dessus. C'est des gens qui ont... Vous avez les intervieweurs, ceux qui font carrière, souvent ce sont les gens qui font les grands interviews, que ce soit des hommes, maintenant c'est pas mal des femmes aussi, et c'est eux les stars. Et eux, par définition, ils n'ont même pas le temps d'aller voir comment ça se fait. Donc eux, ils ont des remontées, et de temps en temps, moi ça m'est arrivé qu'on m'interroge comme ça, parce que c'est pour avoir un peu d'infos sur ce qui se passait et tout, et que justement parce que j'étais pas dans le sérail, donc quelques-uns avaient un peu de curiosité, mais c'est relativement rare, enfin... Pour eux, l'alpha et l'oméga, c'est plutôt le sondage. Et donc, ça crée ces rapports aussi qui font que il y a une sorte de telle familiarité entre les journalistes et les politiques que, évidemment, même quand il y a un politique nouveau, pourtant pas nouveau, par exemple, Hamon, on a l'impression que c'est totalement nouveau. Alors, ça fait, je sais pas, 30 ans qu'il est sur le marché. Et que... ah oui, il a fait toute sa carrière là-dedans. Il a dirigé les jeunes socialistes. C'est quelqu'un qui a vraiment beaucoup. Et il n'a fait que ça. C'est vraiment le professionnel, un peu comme Valls. Les deux, sur ce plan-là, sont absolument équivalents. Voilà. Mais c'est pour dire, ces histoires d'image, oui, ça joue. Mais je pense qu'en plus, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas véritablement sensibles. Je parle dans la réception, il peut y avoir un très grand décalage entre ce que les gens, ce que les politiques souhaitent communiquer, ces effets d'image, et puis la réalité de la réception qui peut être complètement décalée, complètement. Allez-y. Moi, j'ai surtout été socialisée, j'ai surtout vécu à l'étranger, notamment en Allemagne, et je viens de rentrer en France, et je suis très surprise de voir combien, justement dans le cadre de la campagne, combien le privé et le politique se mélangent, et combien les médias jouent dessus. À mon sens, en Allemagne, c'est beaucoup plus séparé, et je crois qu'ils mettent aussi un point d'honneur, si je me trompe. Et en termes d'études, pour essayer de comprendre, je trouve ça compliqué de garder la tête froide. Parce que c'est pas que les médias... Enfin, à mon sentiment, je suis pas du tout spécialiste de la question, mais c'est pas que les médias people qui vont jouer sur le privé, même dans des médias de qualité ou de qualité intellectuelle plus grande. Ça se mélange aussi. Et en termes d'études, je me demande comment arriver à faire la part des choses. Vous parlez du privé, de leur vie privée. De la vie privée. Alors ça, en France, c'est un phénomène relativement récent. Ça n'a pas été le cas pendant longtemps. C'est-à-dire que ça existait, mais il y avait une espèce de règle, une règle non dite, qui était que tout ce qui était vie privée restait privé. Quand on était dans ces sphères-là, on savait tous ces trucs-là, ça alimentait les ragots et tout. L'histoire de Mitterrand qui a eu cette fille et que... Mais c'est l'affaire Strauss-Kahn qui a marqué le basculement dans ce système people. Mais jusqu'alors, ça je me souviens très bien, moi je voyais, quand je travaillais au début des années 2000, c'était à l'Assemblée nationale, et je voyais très bien que on savait des choses, tout le monde les savait, mais jamais on ne les aurait divulguées. Il y avait cette idée que chacun avait sa vie et qu'on n'en faisait pas un outil, soit pour faire du people et faire son image, soit au contraire pour désinguer quelqu'un. Ça n'existait pas. C'était d'ailleurs très différent, par exemple, du Royaume-Uni. Au contraire, ça y allait très fort là-dessus, sur les histoires de vie privée de longue date. Mais ça, c'était l'idée de la Ve République. C'était l'idée que il y avait une dignité, c'est ce qu'avait souhaité... Souhaité de Gaulle, c'était la façon, je dirais, gaulliste, la grande tradition gaulliste, c'était de complètement séparer les choses et que le service de l'État, et puis, bon, mais évidemment, tout ça, ça s'est complètement effondré, quoi. C'est plus. Maintenant, après, quels sont les effets réels de ces questions? Non, dans le cas, par exemple, de cette histoire de Fillon, là, pour prendre cet exemple, c'est pas tellement un problème de vie privée du tout. Ça, c'est un problème simplement de savoir si un homme politique, dans une situation donnée, peut, et qui revendique, puisqu'il a beaucoup revendiqué cette image de type complètement intègre et complètement pur, est-ce qu'il considère comme normal, d'une part, de faire quelque chose qui est légal, c'est-à-dire de donner un emploi à quelqu'un de sa famille, du fait qu'il est lui-même en position de donner cet emploi, ce qui est déjà un peu compliqué. Et puis ensuite, s'il s'agit d'emploi où elle n'a pas réellement travaillé, comment lui, en tant que futur président, il peut trouver ça acceptable, alors qu'il n'arrête pas d'expliquer qu'il faut être... et qu'il va demander des sacrifices aux gens, et que, etc., etc. Là, on est dans la politique. Là c'est ce genre de choses n'est plus... c'est pas le problème du privé. Là, c'est le genre de choses... C'est une révélation, c'est un scandale, c'est tout ce qu'on veut, mais c'est tout à fait légitime qu'un journal... Pour moi, c'est pas quelque chose de choquant. Et je vous dis, après, on peut avoir une réponse On peut répondre tout à fait sereinement qu'après tout, il a fait ça, il a donné un emploi à l'Assemblée. Beaucoup de députés le font, ça c'est clair. Donc il n'y avait pas d'interdit, c'est légal. Maintenant, il y a l'autre problème. Si c'est un emploi fictif et que lui, il a plus ou moins, même s'il arrive à s'en dépêtrer, je pense qu'il va faire, mais c'est pas très bon. Mais ça fait partie des campagnes politiques. Je pense que les citoyens ont tout à fait le droit d'être informés. Ça fait partie de ce que peut apporter l'information. C'est pas comme une histoire sexuelle ou etc. Ça s'inscrit, disons, dans la question du rapport entre éthique et politique. Et puis, voilà. Oui. Oui. Moi, justement, cette question, ça me fait penser aussi à comment quelqu'un qui représente un groupe ou un peuple, on voit au-delà de ce qu'on comprend par politique ou bureaucratique. C'est-à-dire, et je pense au système aussi d'élection d'un représentant par des critères humains dans le tout, non enfin, dans la façon d'être, quelqu'un qui inspire la confiance, quelqu'un qui dit je le suis, non et pour moi ça me pose aussi problème cet découpage. Mm-hmm. Je veux pas dire tomber dans le people, mais un découpage de fonctions rationnelles et de l'être en soi, non enfin je sais pas. Je pense que c'est exactement, et c'est beaucoup de gens se posent cette question, et je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles ça c'est peu à peu le privé et le public, il y a une sorte de perméabilité, si on veut dire, entre privé et public. C'est parce que pour beaucoup de gens, le président, c'est pas le, justement par rapport à la conception gaullienne où c'est le chef, l'incarnation, la France, enfin tout ça, c'est la symbolisation maximale. C'est même plus son rapport aux gens en particulier, c'est son rapport à la France comme entité, comme etc. Donc ça, c'est la vision gaullienne, et à ce moment-là, le président, une fois qu'il est... C'est comme un monarque, quoi. Il est intronisé, et après, on ne s'occupe pas de ses... C'est les deux corps du roi, quoi. Il y a son corps... physique, matériel et tout. Il a ses problèmes, ses maladies, mais ça n'a pas lieu d'être considéré en tant que président. C'est le corps de la nation. Alors que là, on est rentré dans une conception complètement différente, ça c'est sûr. Il y a une sorte de... Alors certains diront une sorte de banalisation, mais moi je crois que c'est tout à fait essentiel qu'il y a une sorte d'humanisation aussi de la fonction présidentielle. Et puis, je pense, c'est sur le fond d'une contestation assez grande de cette idée qu'il y aurait un élu, justement. Ça, c'est une des choses qui m'a vraiment intéressé quand j'ai travaillé, c'était cette notion d'élection. En France, il y a une tradition de la notion d'élection qui est en fait une tradition sacrée, qui est une tradition religieuse de l'élection. L'élection, ça renvoie au droit divin, c'est le roi et l'élu. Enfin, et moi, je suis très frappé, j'étais très frappé dans des enquêtes de terrain très, très terre-à-terre, vraiment de genre... j'étais allé à une inauguration dans Lyon d'une caserne de pompiers, vous voyez, c'est pas... Et j'avais été très frappé par la chose suivante. Il faisait tard, c'était vers 6-7 heures du soir, il faisait très froid, c'était dans un champ, enfin c'était vraiment pas très marrant l'hiver. Et donc tout le monde attendait l'élu, qui était en l'occurrence Charles Pasqua, qui était à l'époque le ministre de l'Intérieur. Et les gens étaient dans une rage folle parce que ce type n'arrivait pas, etc. Et donc au bout d'un certain temps quand même, il est arrivé. Et là, tout a complètement changé, c'est-à-dire qu'il a fait le rituel c'est couper le ruban, vous savez, et puis ensuite faire un petit discours, et puis après la réponse du maire, et puis après vin d'honneur, c'est comme ça que ça se passe, tout ça est très codé, et à partir du moment où il est rentré là-dedans, et quel que soit les... parce que je connaissais tout le monde, donc je savais qui était de droite, de gauche et tout, mais c'était l'élu, quoi, il était... C'était vraiment un rapport à cette fonction, à cette incarnation. C'était le... Il y avait complètement ça. Alors que 2 minutes avant, tout le monde disait pique-pendre. En plus, Pasqua était un personnage qui était quand même assez controversé. Et ça, je l'ai observé à beaucoup, beaucoup de moments. j'ai observé que, ce que j'avais observé d'ailleurs dans le cas des autres chelots, par exemple, sur la manière dont les gens s'asseyaient, etc., enfin, les places réservées, ben, c'est pareil, il y a des choses qui sont absolument intangibles. Ça fait partie, c'est plus que du protocole, c'est une sorte d'intérieur, enfin, c'était une sorte d'intériorisation. Je pense que aujourd'hui, les choses, justement, du fait qu'il y a une sorte d'affaiblissement, en gros, dans la représentation que l'État-nation est quand même très très remise en cause et considérée comme beaucoup plus précaire, beaucoup plus fragile, l'incarnation peut pas non plus être pensée sur le même mode qu'elle l'était il y a encore une trentaine d'années. Quoi. C'est très frappant, ça. Donc vous allez, oui, je pense que c'est tout à fait légitime, si on peut dire, que les gens se posent la question de savoir qui ils vont élire, éventuellement même quelle est sa vie privée ou quels sont ses... Mais il y a quand même une très forte encore de séparation. Si vous voulez, quand vous prenez dans certains pays nordiques la manière dont les premiers ministres pouvaient déambuler, n'avaient pas vraiment de beaucoup de protocoles autour. Bon, bien sûr, maintenant il y a toutes ces questions de sécurité, mais c'est sûr que l'attitude était complètement différente, complètement. Moi, j'avais des collègues qui étaient suédois. Je veux dire, quand ils venaient en France, ils regardaient l'activité politique, ils se disaient, mais c'est quand même, c'est l'ancien régime. Pour eux, c'était... Et même si c'était des socialistes en France et tout, c'était quand même la cour, enfin, tout ça, ça n'existe pas. Il y a des pays où ça n'existe pas, ça n'a pas lieu d'être. Et vous le voyez aussi maintenant, si vous avez regardé des séries comme Morgan ou des choses comme ça, c'est intéressant quand on regarde des séries, parce que finalement, c'est aussi tout un matériau qui mérite d'être... Ça, on tient pas suffisamment compte de ça, mais c'est sûr. Si vous regardez, si vous regardez une série comme Scandale aux États-Unis, une série récente qui joue sans arrêt sur ce rapport privé-public et qui montre des choses qui maintenant, je pense qu'on aurait vu ça il y a 20 ans, on aurait été quand même sidéré que ça se passait comme ça à la Maison Blanche. Mais maintenant, quand vous regardez ça, vous dites oh bah oui, c'est évident. D'ailleurs, c'est comme ça que ça doit se passer pareil quand vous lisez ce que Hollande a écrit à propos de son quinquennat, dit oui, finalement. Mais ça choque pas, quoi. C'est intégré. Et ça, on reviendra pas en arrière. Mais je pense que là, pour le coup, ce genre de choses, les séries, ça a aussi beaucoup, beaucoup transformé, là. Parce que les gens les regardent, donc. Des questions? Est-ce qu'il y aurait pas aussi dans. Ce que tu as dit tout à l'heure sur l'entrée un peu chaotique dans la globalisation, est-ce qu'il n'y a pas une sorte de... Le corps de la nation, est-ce qu'il ne se démembre pas un peu? Est-ce qu'il n'y a pas des échelles qui ont peut-être disparu ou qui sont sur le point de l'être et que les définitions du commun, là, vont se loger ailleurs, quoi, et ça va créer une vraie difficulté à comprendre le rapport à l'élection, le rapport aux politiques... Les critères qui valoriseraient plutôt cet espace. Tu veux dire, par exemple, les découpages politiques. Oui, les gens qui viennent d'autres pays, qui ont d'autres religions, qui ont d'autres conditions. Absolument, c'est vrai que. Voilà. On était dans un ordre, on était dans une cohésion assez forte. Et le découpage, moi j'ai travaillé, quand je travaillais sur ce département-là de Lyon, J'ai travaillé sur la façon dont il a été créé et la manière dont, sous la Révolution, ça a été vraiment un travail incroyable qu'ils ont fait à l'Assemblée nationale, Assemblée constituante. En fait, ils avaient fait tout un travail sur le découpage des départements. Ils ont inventé quelque chose de très fort, mais qui était très étudié, très pensé, en fait, justement par rapport à des centres ou par rapport à des... c'était, tout ça a finalement été l'architecture, la base du truc, c'était ça. Et donc on raisonnait en termes territoriaux, en fait, et le type de population après qui se retrouvait là-dedans, elle devait être, le principe c'était de l'homogénéiser au maximum, comme on avait vu dans les régions type Bretagne et tout ça, c'est-à-dire c'était comme ça, là, si vous lisez, vous avez le livre de Gene Weber qui a été traduit en français dans les années 70 et qui est très intéressant. Peasants into Frenchmen, la fin des terroirs, ouais, c'est la fin des terroirs. Et qui montre comment tout a été extrêmement mis en place pour créer cette sorte d'homogénéité, finalement de manière aussi importante que tout ce qu'on a dit sur la laïcité, le religieux et tout. C'est avant tout, c'est parce qu'il y a cette sorte d'architecture qui a prévalu. Alors après, aujourd'hui, ben non, ça fonctionne pas. Pourquoi ? Parce que bon, il y a des déséquilibres territoriaux incroyables, tout ce qui a été écrit sur la la France périphérique, sur les territoires en déshérence, sur le... Donc la façon dont les gens se représentent les choses, et puis sur les agglomérations beaucoup plus importantes, ça, ça bouscule complètement. Alors, on est dans un système qui est encore... le découpage politique est encore le même, mais ils ne recouvrent plus... Enfin, ils ont refait un peu les régions quand même, mais ça ne recouvre plus du tout les mêmes choses, les mêmes réalités. Et donc, tous ces problèmes des types de populations qui se... Il y a toujours eu une hétérogénéité, en fait, des populations, mais en réalité, là, elle est beaucoup plus large, elle est beaucoup plus... multiculturel. Donc tout ça rentre complètement en ligne de compte. On le voit dans les... À mon avis, c'est un... Alors c'est ça, c'est une des questions de cette élection. C'est de savoir dans quelle mesure, jusqu'à quel point, ça va être au cœur des préoccupations. Et ça, c'est justement, c'est des choses... Si vous voulez, les médias sont extrêmement... ils sont toujours dans l'éphémère. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, maintenant, pendant 15 jours, on va parler que du revenu universel ou des problèmes socio-économiques des gens. Et puis, tout d'un coup, on va redécouvrir qu'il y a des problèmes identitaires. C'est exactement ça. Donc, c'est vrai que vous parlant aujourd'hui, moi, je suis comme tout le monde, j'oublie complètement. Et ce qui sera intéressant, c'est de voir justement ce que les gens disent. Il y a d'une part ce qu'ils ressentent, hein, mais sur quel fond, quand on leur parle du revenu universel, si ça se trouve, eux, ils disent, mais moi, je m'en fous, mon problème, c'est qu'il y a des étrangers, c'est qu'il y a ceci, c'est qu'il y a cela. Et ça aussi, ça, vous ne pouvez le sentir qu'à partir du terrain. Évidemment, un terrain très court, mais ça donne quand même des indications. Et moi, mon impression, c'est qu'un terrain très court dans une période de tension, il peut être bon parce qu'il peut être... dans une période calme, je vous dirais qu'à la limite, un terrain très court, ça a tous les des avantages parce que les gens n'ont pas tellement envie de parler, les gens sont dans leur truc, ils n'ont pas le temps, pourquoi vous venez les emmerder, etc. Donc, et ils n'ont rien de spécial à dire, il se passe rien. Et dans une période de haute tension, alors là, ouais, là, ça peut déclencher. C'est-à-dire que, et là, il faut jouer aussi sur votre rôle, à mon avis, qui est un rôle de déclencheur. Qui est un rôle de... Ouais, c'est vraiment intéressant. Il faut complètement assumer ça. Enfin, moi, c'est un peu ma manière de faire, je dirais. Il faut de temps en temps, il faut un peu provoquer, ou il faut envoyer des choses, et puis, ou à la limite, ne rien dire et les laisser parler n'importe quoi. Moi, j'ai fait beaucoup ça. Mais, par exemple, pour les députés, quand j'ai fait l'enquête à l'Assemblée nationale, c'était terrible, parce que chaque fois que j'entrais, comme j'étais un type censé être un intellectuel, tout ça, diplômé, et puis, pour eux, j'étais quand même quelque part un journaliste. Enfin, le moment où on écrit sur eux, on est un journaliste, donc... Ils commençaient, mais radicalement, à me faire un discours, à me dire, voilà pourquoi j'ai opté pour la droite, pour la gauche, pourquoi voilà mon... Enfin, ils me faisaient tout leur programme, tout leur truc, ils me déroulaient. Alors, au bout de deux, trois fois, je me suis dit, si je fais comme ça, effectivement, je serai journaliste. Et puis comme il n'y a aucun scoop, de toute façon, ils ne m'apprennent rien, sauf... ça ne sera jamais... Bon. Et puis, je me suis dit, après tout, je vais prendre les choses à l'envers. Alors, je suis arrivé dans le bureau des gens... Puis je me suis assis et puis je les ai regardés et comme ça pendant un certain... Et puis il me dit, mais qu'est-ce que vous voulez, vous ne me posez pas de questions. Alors je regardais, vous pourriez un peu me raconter votre vie, comment vous êtes. Puis j'étais très évasif. Et là, ils étaient un peu, ça commençait à déstabiliser, quoi. Ah bon, vous êtes un peu... Non, c'était après, à la fin, c'était « Ah, vous êtes un peu psychanalyste, en fait, on n'avait pas compris. » Mais c'était la seule manière, ça faisait partie de ce genre de technique qui a assez bien fonctionné pour arriver à sortir. Parce que tout d'un coup, à ce moment-là, j'ai envoyé une question un peu précise, et parce que je leur disais « Mais quand même, là, je vous ai observé, puisqu'il y a les observations, et puis c'est vrai que ça joue beaucoup, cette dialectique entre l'observation et puis les... Et puis les interviews, quoi. Et quand on leur dit tout d'un coup, mais enfin, vous avez dit une chose, j'ai pas du tout l'impression que c'est ce que vous me dites là maintenant, c'est ce que vous avez dit l'autre jour ou ce que je vous ai vu, c'était pas du tout ça. Alors pourquoi, enfin, l'air un peu paumé, et là, ils disent, non mais attendez, je vais reprenons. Et là, il y avait toutes sortes de développements, non, ça c'est intéressant. Et ça, il faut aussi jouer, mais en peu de temps, c'est compliqué. Dans la mesure où vous êtes amené à observer simplement des choses autour de vous et à les renvoyer aux gens. Et renvoyager, c'est ça. L'ethnographie, pour moi, c'est ça. C'est ce jeu permanent Parce que sinon, c'est n'importe quelle discipline, sociologie, tout ça, ils font des entretiens. Les entretiens, ça, c'est vrai que c'est la grosse différence, moi, je trouve, et par rapport, mais c'est surtout vrai aussi quand on a un terrain sur une certaine durée, mais par rapport aux journalistes aussi, c'est que on a tout ça. On a un journaliste, il n'a pas le temps, par définition. C'est pas que il y en a qui sont des très bons observateurs, mais ils n'ont pas. Mais nous, en principe, on a du temps, et de toute façon, ça doit intervenir, à mon avis, dans votre voilà. Même, je sais pas si vous avez une caméra. Vous pouvez vous amuser à filmer des trucs et les montrer aux gens. Enfin, je veux dire, il y a plein d'usages possibles, à mon avis, qui sont permis maintenant avec toutes ces technologies, si on peut dire. Ça, c'est complètement le rôle de l'image. Moi, j'ai pas pu du tout travailler avec ça à cette époque-là. On a fait un film sur le Parlement européen et tout, mais c'était quand même, il fallait des moyens, il fallait faire, c'était tout un machin, quoi. Mais là maintenant, c'est tout à fait envisageable, à mon avis. Enfin, voilà, ce qui me semble peut-être un peu difficile là, pour l'analyse du politique, c'est se détacher des idéologies que, qu'on a nous-mêmes, non? Parce que là, quand vous parliez des ouais. États-Unis, le système transgresseur de Trump, non? Et de, par exemple. Vous avez dit qu'il était contre un système qui les avait expoliés, non? C'était ça son discours. Non? Et moi, je suis espagnol et je pense à ce qui s'est passé en Espagne aussi bien avec les mouvements de Podemos, etc. Qui finalement, il y a des similitudes dans les systèmes, même si c'est des opposés. Non? Et ça me semble aussi difficile de représenter. Enfin, Le fait que vous ayez vos façons de voir et d'être. Vous voulez dire en fait que vous ayez vos propres repères idéologiques en quelque sorte. Ouais. Se détacher de ça et regarder. Ah ben oui, mais sinon on peut. Non, mais en tout cas pour travailler au niveau de ce que vous faites et sur le terrain, effectivement, si vous voulez, il y a deux façons de l'utiliser. Soit vous faites moi ce que j'aurais tendance à faire, c'est-à-dire prendre un peu de recul par rapport à vos propres idées, etc. Moi, c'est aussi par pure curiosité. Moi, ça m'amuse de voir ce que les gens pensent. Et quand ils ne pensent pas comme moi, ça m'amuse vraiment de savoir quelle est leur façon, leur logique, leurs arguments et tout ça. Quand ils ont dit... Donc moi, ça me fascine toujours. Donc c'est pour ça d'ailleurs que je fais ce métier. C'est parce que je suis fasciné par ce que je raconte. J'aime pas tellement parler. En fait, j'aime vraiment écouter les... Non, mais c'est vrai. Non, mais je vous assure que moi, je dis pratiquement rien. De temps en temps, les gens, ils croient même que je dors. En fait, quelquefois, il y a des gens, ils parlent tellement et tout ça qu'on est un peu abrutis. Je parle des hommes politiques, des politiciens et tout. Vous savez, il y a des moments, quand on se fait une journée à l'Assemblée et qu'on a l'occasion de parler avec trois, quatre personnes, mais généralement c'est 6 ou 7, à la fin, le dernier, vous êtes là. Et pourtant, c'est très intéressant, c'est pas ça, mais ça joue. Mais il y a une. Puis il y a la tension flottante, ça c'est le côté psychanalytique, on laisse un peu venir. Donc moi je pense que c'est une façon de se situer qui est assez productive, c'est-à-dire de laisser faire et de laisser venir et de lancer quelque chose. Alors il y a l'autre aspect, c'est que si vous avez tel ou tel positionnement idéologique et tout, et que vous avez envie de, vous pouvez très bien l'utiliser, c'est-à-dire vous pouvez dire moi je pense tel truc, pourquoi pas, et je comprends pas, etc. Et l'autre, il peut y avoir un jeu, c'est pas inintéressant. Je crois que de toute façon il faut se dire que quels que soient les interlocuteurs, ils ont toujours une idée derrière la tête de qui on est, de pas si vous êtes en sciences sociales, enfin en tout cas dans les milieux politiques, tout le monde sait que vous êtes des gauchistes qui perdent leur temps à faire de la recherche, ou je sais pas. Enfin, ça va être encore plus biaisé, ou je sais pas, par la caméra. Puis à la caméra. Enregistré, gravé quelque part, que ce soit la parole ou l'image. Ouais, il y a aussi ça. Ça peut se faire en deux temps. D'abord, on va voir les gens et après, on va leur dire bon, on va vous filmer aujourd'hui. Ça dépend, parce que si vous avez un matériel très souple et tout, enfin, ça, c'est si vous voyez tout le temps avec une caméra, à la fin, il y a un moment, je pense que ça. Ouais, il y a une sorte de. C'est plus. Ça aussi, je pense que c'est très rentré quand même dans Bon, j'ai un peu quand même l'impression. Maintenant, ça dépend complètement. Il y a des gens pour qui ça doit être assez insupportable ou compliqué. Enfin, ils peuvent pas arriver à s'exprimer en dehors de. Mais bon, ça c'est. De toute façon, on fait une espèce de négociation permanente. On est tout le temps à négocier ses propres entrées sur le terrain. Ses rapports avec les gens, ses rapports avec soi-même, il y a des tas de choses qui sont. Moi, je trouve que c'est vraiment une question qui m'habite. Parce que j'ai fait un film, enfin, co-réalisé un film les 4 dernières années à Lampedusa auprès des habitants de l'île, notamment concernant le phénomène migratoire et comment ils se sentent. Non, donc, on a travaillé sur la complexité et leurs ambivalences. Et toujours et encore après les interviews, enfin les entretiens, on a dû les faire au bout de notre 4e fois sur le terrain, je pense. Et toujours et encore, le film est fini, et tout ça. Et il y a encore des choses qu'on n'a pas réussi à voir. Et j'avoue qu'on a. Bon, c'était prévu pour être quelque chose de personnel, mais c'est pas éthiquement super, non, mais. On a souvent dit qu'on éteignait la caméra, on ne l'a pas éteinte. Et c'était les moments de parole les plus intéressants où ils osaient vraiment se dévoiler. Il y a certains avec qui on a négocié que ces moments de parole soient quand même mis en film. Ça, c'est super, parce que c'est là où c'est vraiment. On est sorti des façades, des discours faits, surfaits, chose qu'on n'a pas réussi à avoir du tout avec les élus ou avec l'armée, etc., mais au niveau des gens, des insulaires. Et je trouve ça vraiment compliqué. Je me dis, même au bout de 4 ans, on pouvait parler librement, mais quand on sortait la caméra, c'était vrai. Il y avait un discours qui se lissait complètement. Mais... Après, c'est un beau défi, mais je trouve que c'est vrai, ça s'inscrit vraiment dans la durée. J'ai vraiment l'impression que certaines choses. Mais là, vous allez aussi rédiger, non? Non, oui. c'est... Parce que c'est il y a une onde d'intention, tout ça. Il y a une réflexion à avoir sur l'utilisation des outils de collecte des données. Et il faut toujours réfléchir. Il y a quelques semaines, j'étais à Tanger. Et c'est un endroit un peu au Maroc, c'est la police est un peu partout. Donc dès que vous sortez le Maïto, le roi est beau, c'est le commandant des croyants. Ah oui, parce que les gens se disent, ils ne savent pas ce que vous allez faire avec votre enregistrement. Ils ne savent pas qui va pirater, qui va prendre. Ils ne savent pas. Non, mais c'est donc, sûr. Donc, du coup, il faut l'éteindre. Si vous l'éteignez, ça devient autre chose. Vous discutez, vous prenez des notes. Si après une négociation, on peut enregistrer, c'est... Mais moi, je me suis dit, il y a des gens, moi, je ne peux du tout enregistrer. Sauf. Quand il y a des trucs publics, au tribunal avec le procureur du roi, je n'ai pas dit que j'en laisserai pas, on ne m'a pas demandé non plus. Donc, j'ai laissé ouvert mon appareil. Mais tout dépend de comment on gère l'affaire. Oui, il ne faut pas être obsédé par cette histoire d'enregistrement et tout. Je pense qu'il faut se former justement à retenir ce que disent les gens et à tâcher de le transcrire comme ça en temps réel, mais en même temps à retenir des choses et à. Ça, c'est sûr, hein, sinon. Puis il y a des formes d'utilisation de ça, on n'est pas forcément utiliser la personne. Enfin, s'il y a un fait important qui est révélé par la personne, c'est pas forcément que la personne dise. On peut, disons, présenter ça visuellement, différemment, plutôt que de privilégier le son. Le discours. Il y a tout un. Tout à fait. Sur chaque projet, il faut voir comment ça se construit. Parce qu'il y a un défi, quoi. Une fois, est de comprendre le phénomène, et une autre façon est de transcrire. De le mettre sur un support écrit ou filmé, ça, c'est aussi un autre défi. Moi, je suis en train de réfléchir que. En plus, il y a un intérêt dans l'image et dans les vidéos aussi qu'on dépasse le langage. Ce n'est pas seulement qu'on va. Ce n'est pas un entretien enregistré avec une image. Ce n'est pas une image qui ajoute quelque chose à l'entretien. Ce n'est pas un autre support de l'entretien. Avec l'image et l'anthropologie, on peut voir des actions, on peut voir des gestes, des mouvements, des corporalités, des visions, des regards. et donc ça donne une autre richesse à cette image de représentation, ou quand même dans les scripts. Parce que ce n'est pas une représentation, ce n'est pas un ensemble de catégories linguistiques. Hein. Un script, ce n'est pas une séquence de pas qu'on peut modéliser comme dans un ordinateur. C'est une action, qu'il y a une corporalité. Donc, après, je pense qu'on doit être attentif à ça aussi. Hein. Parce que quelquefois, je pense qu'on a parlé beaucoup de verbalisation, de langage. Donc, ça me génère un peu de questions. Et que quand même, peut-être vous demandez un peu sur ça, sur la notion de représentation des scripts que vous avez utilisé dans un certain moment. Comment on peut capter une représentation, je ne sais pas, parce que la représentation, ce n'est pas dans un contexte, ça se manifeste dans un contexte, mais dans un contexte, on ne serve pas une représentation. Je ne sais pas, sont des questions. La représentation, moi, comme je la connais, c'est une notion qui vient de la science cognitive. Et la représentation, on la démontre expérimentalement, on ne la suppose pas. Mais après, je sais que dans les autres sciences, on suppose des représentations vers l'action. Mais après, ça questionne un peu la notion même de représentation. Donc, je sais pas, c'est un peu... Ah, c'est... Ou deux heures, là, pour... Ouais, absolument. Ouais. Moi, je pense qu'il faut surtout se demander d'abord qu'est-ce que ça va apporter de faire de la vidéo, si ça apporte rien. Enfin... évidemment. Qu'est-ce qu'on peut apporter avec une vidéo si on veut filmer les gens, mais on peut simplement retranscrire ce qu'ils sont en train de raconter à l'écrit. C'est pas nécessaire de les filmer. Voilà. Je n'ai pas pensé en termes de documentaire, mais comme on l'entend en regardant des documentaires à la télé, qui sont de nature plus diverse. Je trouve que pour le coup, c'est un moyen idéal de montrer ce dont vous parliez tout à l'heure, qui est cette dialectique entre la parole et l'action, non, entre ce qui est dit et ce qui est fait. Voilà, oui. Oui, ça, oui. Ça, je trouve ça passionnant, ça, de pouvoir arriver à ces ambivalences, dans ces contradictions, ou bien ces parallèles, qui sait, ça se trouve. Mais ça, pour le coup, je trouve ça un bon moyen de montrer les choses en laissant les choses se faire devant la caméra. Mais on peut aussi utiliser des détours. Ça peut être aussi une négociation possible avec les gens, de ne pas utiliser la caméra frontalement comme quelque chose de, voilà, de très... voilà, l'entretien, répond à ma question, ou alors parle et on verra ce qu'on en fait. Mais l'année dernière, il y avait un groupe qui avait filmé que la perspective au sol et que les pieds. Ouais. Et ils avaient réussi à avoir une qualité de discours dans les échanges, des sujets très... les sujets étaient assez violents, ça parlait de drogue, tout ça, ce que les autres groupes n'avaient pas forcément eu en filmant directement une perspective à hauteur de... Et donc ils avaient enregistré, ils avaient filmé toujours... L'image, c'était les pieds. Ouais. Voilà. Au sol, c'était quoi? Un enregistreur. Des entretiens ou des dialogues aussi. Il parlait avec les gens, en fait. Et la perspective était toujours au sol, donc il ne capturait pas le visage des gens. Quoi. Il y avait une contrainte, parce que les gens ne faut pas se montrer, ils ne faut pas parler, donc ils ont trouvé un détour, justement pour garder ce qui est intéressant dans ce qu'ils disent, plutôt que de voir leur tête. Quoi. En même temps, l'identité de la personne n'est pas gommée, parce qu'on voyait par les pieds, on peut deviner qui c'était. Donc, et il se dévoilait plus, il s'ouvrait plus, il se dévoilait bien sûr. Moi, je pense par exemple au travail d'Alain Cavalier, qui est un réalisateur clairement plutôt à la base du côté du cinéma, mais petit à petit il a commencé à travailler avec de moins en moins de moyens et à faire des films tout seul. Et il s'est dit, j'ai une caméra, je vais le faire tout seul. Entre le moment où j'ai l'émotion et le moment où je fais le film, trois ans qui se passent, j'ai envie de le faire tout de suite. Et il a travaillé beaucoup sur les métiers, mais concédant une exemple du sujet, mais il filme beaucoup. Déjà, il explique comment il a négocié son entretien, comment il a réussi à rentrer dans une boutique de vendeur de chaussures, une femme qui fait du tissage, une cordonnière. Et il filme beaucoup les mains, parce que je pensais aux pieds, mais là, pour le coup, il filme beaucoup les mains au travail. Et parfois, on finit par voir le visage, parce qu'on sent qu'il y a eu petit à petit une négociation qui a abouti à. Visage. Oui. Il y a plusieurs stratégies à envisager, effectivement, pour filmer. Mais ce qui est important, c'est de délimiter son sujet, puisque on a d'avoir quelque chose de fort du point de vue des idées aussi. Mais Cavalier a bien montré aussi comment on peut fabriquer un président et comment actuellement c'est repris par plusieurs films. Le cynisme est une esthétique aussi, à laquelle nous sommes de plus en plus sensibles. D'ailleurs, il faudrait peut-être y réfléchir. c'est un film très intéressant, où d'ailleurs lui-même n'est pas complètement clair avec lui-même dans le livre en définitive. C'est la partie la plus passionnante. De quel film ? La Terre. La Terre, c'est un film qui est sorti en 2012. Il y a un excellent film, mais c'est des étudiants russes de la FEMIS qui l'avaient fait sur les exilés, si je le trouve, il faut y voir, sur un exilé intellectuel russe en Paris. Alors, on ne voit pas la personne. On voit son bureau, sa pipe, il y a plein de choses comme ça. Mais au bout du compte, quand vous mettez tous ces signes-là, on a une identité. Alors, c'était très fort comme façon de penser. Donc, et là, c'est... bon, il ne faut pas tout faire comme ça. Tout n'est pas possible. C'est pas aussi radical, mais c'est une possibilité. C'est une voie. On peut, enfin, sûrement, on va réfléchir sur chaque sujet. Il faut trouver déjà un angle très fort, très puissant. Dès le début, c'est un peu ça le projet. Dès le début, il faut garder quand même la rigueur un peu conceptuelle, la façon dont on peut voir la société, si on a des propositions d'observation comme Marc vient de nous en donner. Donc ça, on peut pas. Après, on avance quoi. Alors on avance dans la représentation de ce concept, enfin, de cette chose conceptuelle. Je t'avais dit, il y a un film sur Marseille, tout un ensemble de films qui ont été faits entre 89 et 2001, de Comolli et Sanson, qui s'appelle Marseille contre Marseille. Donc Jean-Louis Comolli, le cinéaste, et Michel Sanson, qui était un spécialiste de Marseille. Et c'est un suivi, en fait, toutes les élections qui ont eu lieu entre ces dates, vous voyez. Donc, c'est très intéressant. C'est plusieurs films, c'est assez long. Hein. Mais là, il y a eu un vrai travail. Et on en a pas mal discuté. C'est pour ça, je pense que ça doit être intéressant aujourd'hui de revoir ce que ça donne, là, avec le recul. Moi, je pourrais Marseille, vous proposer aussi un autre film qui s'appelle Le Feu, le Sang, les Étoiles. C'est un court-métrage de Caroline de Ruas, réalisé en 2007. Et c'est là où la cinéaste nous livre ses émotions immédiates au lendemain de la défaite de la gauche aux élections présidentielles françaises. C'est assez impressionnant comme film. Puisque tous les journaux annoncent la défaite de la gauche aux élections. C'est une jeune mère en plein désarroi qui se relève pour son enfant. La jeunesse de la gauche qui est adoptée, qui s'élance dans tous les extrêmes. Et une petite fille qui demande à son grand-père qu'est-ce que c'est un mangeur de rêve. Et c'est un court-métrage. Il s'appelle comment, pardon? Ça s'appelle Le Feu, les Sangs, les Étoiles. Et c'est Caroline de Ruas, avec Maurice Carrel. Des questions? Oui, allez-y. Bon, moi, je suis un aimant de l'anthropologie, donc je commence. Et je m'intéresse à ce qu'on pourrait appeler un rapport ordinaire ou les rapports ordinaires à la politique, aux politiques. Donc je ne sais pas vraiment ce que c'est. Enfin, je suis en train de voir comment on pourrait le définir, et évidemment à partir d'une pratique empirique. Mais donc ça s'éloigne un peu du sujet ici, parce que c'est on va aborder plutôt le politique frontalement dans un contexte de tension, d'élection. Mais Pas forcément, c'est pas forcément. Pas forcément, mais bon, je sais pas. Le titre annonce un peu ça, et je me demande. En fait, c'est une grande question, mais comment on fait pour parler de politique sans parler de voilà, enfin, sans employer les termes liés à la politique. Et voilà, et j'ai vraiment pas de réponse. Je pense que ça se joue aussi sur le moment, mais je pense qu'il y a vraiment des lacunes en fait autour de ça, parce que on est un peu démunis de vocabulaire, et vous parlez de la parole, enfin l'importance du langage, de la parole, plutôt du langage en politique, et je pense que ça joue aussi dans les relations qu'on peut entretenir dans un entretien quand on interroge les gens sur ça. Donc comment on utilise les détours dans le langage pour arriver à parler de politique sans forcément l'aborder directement comme ça. Bah oui, enfin c'est un peu la question de savoir oui qu'est-ce qui est réellement politique ou pas politique. Et ça dépend. Je pense que c'est lié aussi au sujet qu'on aborde dans ces conversations. Je veux dire, qui peuvent être, il y a des gens qui disent que la politique est partout et que je ne sais pas. Ça dépend à quoi vous pensez exactement. Quel genre de quand vous dites la politique ordinaire, oui. Il y a plein de choses qui relèvent de la politique maintenant. Est-ce que c'est pensé comme un problème politique, et est-ce que c'est... Il y a deux questions, en fait. D'une part, est-ce que c'est pensé comme une question politique par les gens, et d'autre part, est-ce que c'est, je dirais, replacé dans une grille politicienne, si on veut, par les gens. Il y a différentes questions, si vous voulez. On peut parler de politique sans être tout le temps obsédé par des références à ce qui se passe et aux acteurs politiques connus, etc. Il y a plein de questions que se posent les gens quand ils parlent de leur travail, de leurs relations et des problèmes qui peuvent surgir. Et à mon avis, ce sont des questions qui sont éminemment politiques, enfin, qui ont trait à des rapports de force, qui ont trait à des problèmes de hiérarchie, qui ont trait... C'est du quotidien, je veux dire... Après, si vous voulez, est-ce qu'ils en font une question entre guillemets politique ? Est-ce qu'ils le réfèrent à des grands choix politiques, gauche ou droite, ou je sais pas où ils sont ? Ça c'est déjà un autre problème. Je veux dire que, mais à mon avis, on ne peut pas parler dans le vague de ces choses-là. Il faut parler par rapport à des contextes. C'est-à-dire qu'il y a... Il y a des gens qui décident, par exemple, d'avoir une pratique collective, de s'installer collectivement, par exemple, d'avoir un habitat collectif. Donc après, ils vont être faisant ce genre de, je prends n'importe quel exemple possible, mais faisant ce genre d'expérience, ils vont être amenés à avoir des rapports entre eux, à avoir des tensions, à avoir des choses. On est en pleine politique, si vous voulez, et ils vont parler de fait, ils n'arrêteront pas de parler de politique dans leur petite cité, enfin dans leur... Donc c'est pour moi, ils peuvent référer des problèmes auxquels ils sont confrontés à des choix politiques, en disant que telle et telle personne se comporte de telle manière parce que il a comme background telle et telle idéologie, ou j'en sais rien. Vous voyez, c'est déjà... Mais la politique, comme on disait, au ras du sol, si vous voulez, c'est presque... Moi, j'ai beaucoup travaillé ça sur des milieux qui étaient plutôt des milieux ruraux, mais c'est sûr que très, très, très facilement, on était amené à des considérations qui, à mon avis, relevaient de la politique, mais qui n'impliquaient pas qu'on fasse une élection ou qu'on se positionne, disons, par rapport à l'actualité politique, hein, c'est sûr. Maintenant, après, c'est beaucoup aussi la manière dont vous interprétez, dont vous projetez votre propre grille d'interprétation sur ce truc-là. Donc voilà, il me semble que c'est... maintenant, c'est... Après, il y a toutes sortes de réseaux de politique, ce qu'on appelle la politique moléculaire ou la micropolitique, etc. C'est des choses qui se développent, Mais je pense que sur le plan ethnographique et sur le plan de saisir ces choses-là, ça ne change pas grand-chose. Enfin, c'est des formes d'ajustement un peu méthodologiques, mais sur le fond, on va faire le même genre de travail. Enfin, ça, c'est, ça, je ne crois pas que ça, ça me semble. Hein. Maintenant, cela dit, ça fait des années qu'on dit qu'on va faire de la politique ordinaire, qu'on va. Enfin, moi, je vois des. Et finalement, j'ai pas vu grand-chose réellement qui est émergé, en gros. Non, mais je m'interroge aussi sur le terme. Enfin, oui. Moi, je crois pas qu'il y a. Je crois qu'il y a de la politique. C'est comme quand toute cette expression de James Scott sur l'infra-politique. Moi, je crois pas qu'il y a d'infra-politique. je récuse complètement ces termes. Je pense que ça met le nez sur quelque chose, comme quand vous dites politique ordinaire. Mais pour moi, il y a de la politique. Voilà. J'ai pas besoin a priori de le spécifier, parce que si je spécifie, je commence à hiérarchiser. C'est-à-dire, je commence à dire, il y a ce qui est ordinaire, il y a ce qui est extraordinaire, il y a ce qui est infra, il y a ce qui est supra. Et là, ça me fatigue. Là. et en plus, moi j'ai l'impression aussi qu'il y a des moments, comme ce moment que nous vivons, il y a un moment de tension où on peut parler un terme bourdieusien, une logique structurelle, de ce que vous pouvez voir dans une entreprise. Il parlait des hiérarchies tout à l'heure, et que la hiérarchie va avoir des répercussions sur le choix des candidats, par exemple. Donc, immédiatement, vous ne l'avez pas comme un facteur politique de premier plan. En même temps, vous savez bien qu'il va avoir des répercussions suivant qu'on va voter ou pas. Selon des moments, on va défiler, on va avoir un engagement partisan ou pas. Donc, il y a des choses comme ça. Et il y a aussi le fait que, ce que j'entends un peu dans votre question aussi, c'est la question du concept et de sa réalité, quoi. Un peu comme... je crois que c'est Passeron qui parlait de ça, de l'effet, la courbe Lucien, est-ce que ça correspond à la vérité ou quoi. Et dans la littérature, vous avez la même chose. Quand les gens, quand Balzac, par exemple, reçoit une lettre d'un jeune écrivain qui lui propose son roman, il lui fait une lettre, il dit, mais est-ce que votre médecin de campagne, est-ce qu'il a une sacoche, est-ce qu'il porte un manteau, est-ce qu'il décrit, en fait, des traits, des faits comme ça, qui, quand vous les mettez ensemble, ça donne un médecin de campagne. Sans que vous le disiez, quoi. Donc, il sait qu'il y a une typologisation comme ça de ce mot, et qu'il peut le démembrer comme ça et montrer différemment. Et vous l'avez pour presque tout, en tenant compte du contexte, en fait. Donc, on ne peut pas le faire en général, mais dans le contexte, vous pouvez le dire. Si c'est un médecin de guerre, c'est pas pareil qu'un médecin de campagne. Donc, voilà, donc c'est un peu ça qu'il faut. Il faut revoir ça de cette façon. Et d'où la question qui se pose, pour y compris comment on va filmer les choses, comment on va. Même d'écrire par un texte, c'est pas aussi évident. Il y a des choses qui vous échappent, des émotions que vous n'avez pas. Donc c'est toute cette question de la transposition. Mais ce qui est important, moi, je crois aussi, c'est aussi le fait qu'on peut, enfin, le mot est un peu galvaudé, mais bon, les structures anthropologiques, oui, dans la pratique quotidienne, donc ça aussi, ça nous aide à comprendre les choses et à les traduire en comparaison avec ce qu'on peut trouver ailleurs, où c'est mieux décliné, plus simplifié, dans la littérature anthropologique, on peut en trouver. Donc, ça nous aidera à aller dans ce sens. C'est un pari très difficile à prendre, parce que, comme dit Marc Abeles, il faut aller au-delà de l'État, de la centralité, c'est-à-dire qu'est-ce que les gens ont dans la tête qui fait qu'ils vont adhérer ou pas, refuser. Et on arrive tout de suite, c'est ce que vous disiez, on arrive à la question de l'imaginaire, mais comment on fait pour mettre en image l'imaginaire? Exact. Parce que c'est pas les interviews ou les gens qu'on aura en face qui... C'est de savoir ce qu'on va en faire aussi. Et là, il y a quelque chose qui a été dit tout à l'heure par là, c'est la question du récit. C'est formidable parce que tout ça est toujours structuré par rapport à des récits. Absolument. Ça va aussi bien du tableau, du fameux tableau de la croix sur la barricade, hein, ou Gambetta, n'importe quoi, on est tous fabriqués par ça. Mais c'est la télé-réalité, voilà, c'est les séries que tu évoquais, c'est, bon, et qu'en fait, ça serait très intéressant de voir si on ne peut pas serrer ça autour de là, c'est-à-dire comment s'opèrent ces mises en récit dans le discours des gens, mais qui ont des échos. Absolument. Chez tout le monde, hein, parce que ça doit prendre quelque part, et chacun joue joue le jeu, au fond. Et ça, c'est notre travail d'anthropologue, disons, d'essayer de le saisir. Si on travaille avec l'image, c'est là où ça a un sens. Hein. Mise en récit, c'est mise en image aussi. C'est des possibles. Les possibles, c'est ça. Hein. Et chacun se fait son récit. Oui, mais c'est à un moment un récit qui est collectif. C'est-à-dire voilà, c'est des imaginaires communs qui vont se coaguler à un moment. Oui, c'est à ça que ces gens travaillent. Solutrer, c'est formidable. Parce que c'est voilà, on coagule un truc et puis on rentre dedans. Et ça, ça prend. Et c'est là la démonstration que tu as faite sur Mitterrand était remarquable. C'est-à-dire que c'est lui qui fabriquait parfaitement son image et qui était donné après... Les autres, c'est le contraire. C'est Batman est né de Mitterrand, tandis que les autres, ils sont nés de Batman. Oui, c'est bien. C'est ça, c'est la formule. Est-ce que les élections, c'est pas un moment où ça va être en jeu, ça, parce que oui. c'est ça. Il y a des chances, oui. C'est que quelque part, c'est un peu chaque président qui va installer ses propres rituels et tout ça. Alors que quand même, il y a une histoire de ce qui va être commun chez ces futurs présidents, enfin chez les candidats, c'est qu'il va, il va mettre le même costume, quelque part, enfin, le costume du président. Mais ce qui serait intéressant de voir, c'est justement, vu que c'est les élections, c'est de comment dans le récit, justement, le candidat va se projeter comme président et comme, justement, enfin, fabricant le beau imaginaire national. Ça, je me dis qu'à part observer les médias, enfin, la télé en fait, quoi, c'est dur, ou les réseaux sociaux, c'est dur de voir. On pourrait faire du terrain, aller voir les candidats, dire voilà, on est dans cette loi. Mais c'était intéressant au début de la campagne de Hollande. Hollande est un président, comment il disait déjà normal, voilà. Ça. Et qui était repris par Saint-Pé, qui était une manière très drôle avec la deux chevaux. Bon, non, mais il y a quelque chose qui se fabriquait là aussi, dont on voit après, qui a glissé sur le président chef de guerre, d'ailleurs, vous avez remarqué. C'était quand même autre chose que. Mais moi, j'ai vu hier dans le dépôt aussi, il y avait quelque chose de ce genre entre les deux candidats. Il y a un moi qui disait, moi je vais me projeter sur les 15 ans. Et l'autre dit, moi si vous voulez vous projeter sur les 15 ans, moi je suis président de la fiche de paye d'aujourd'hui. Donc il y avait tout un jeu sur justement comment gérer cette continuité dont tu m'as parlé tout à l'heure. Alors, des questions? Moi j'aurais une remarque par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure de période de tension. Comme quoi ce laps de temps serait un moment où on aurait des tensions et qui serait plutôt favorable du coup à cet exercice assez court de réalisation de film, etc. Alors suite à notre expérience aussi avec Nuit Debout, parce que on avait lancé avec une petite équipe des repérages, des entretiens et des prises de vue, de son. Il y a aussi, alors moi j'ai l'impression pour la génération un peu trentenaire aussi, que ça peut être le politique et pas forcément du tout vécu. Enfin, je suis pas sûre que ces tensions soient si vives. Il y a une dépolitisation dont on entend aussi pas mal parler. Et en revanche. Les personnes qu'on avait rencontrées et avec qui on avait du coup essayé de tourner autour de cette question politique, de l'engagement et de leur relation avec l'imaginaire, mais aussi avec les gestes concrets que ça suppose, ce qu'on pouvait voir en tout cas, c'est que tout le monde, les uns et les autres, étaient super conscients de l'image. Et que tous les entretiens qu'on a réalisés, les gens savaient plutôt bien ce qu'ils voulaient dire, ce qu'ils voulaient laisser apparaître. Et ça, c'était une... voilà, c'était une composante pour moi par rapport à le terrain en France et autour de la politique qui m'a surpris. Enfin, moi, je pense que quel que soit le niveau de dépolitisation... Je pense que sur tout ce type d'événement et sur ce genre de situation, il y a des commentaires. Donc, c'est pas la question, c'est effectivement les commentaires peuvent ne démontrer que les gens ne s'intéressent pas ou que c'est pour eux, c'est pas le problème. Mais le fait de dire c'est pas le problème, c'est déjà dire quelque chose. C'est déjà dire un énoncé politique fort, il me semble. Ça fait partie du travail, justement. Moi, je pense que si c'est pour savoir si un tel préfère Hamon ou Valls ou je sais pas qui. C'est pas ça en soi qui est passionnant, ou même qu'il soit très féru des combats internes. Je pense que non, mais par contre, je pense que c'est vrai qu'il y a des gens qui ont des argumentations, et je suis assez d'accord qu'il y a en tout cas une génération qui, sur le plan de l'expression et l'expression devant des caméras, et le désir aussi de se faire filmer, parce qu'il y a aussi ça, il y a une forme de désir. Hein, alors, on peut dire quel est exactement le genre de milieu que ça touche. Nuit debout, c'est quand même quelque chose aussi assez particulier. Hein, c'est quand même je ne dis pas du tout que c'est des gens qui avaient socialement, hiérarchiquement, très élevés. C'est pas ça la question, mais c'est vrai qu'il y avait quand même des gens qui gravitaient autour déjà de d'universités, de choses comme Paris 8. Enfin, moi, je connais un certain nombre, et ce sont des gens qui ont quand même beaucoup l'habitude et la compétence, disons, pour intervenir. Donc ça m'étonne pas tellement. Maintenant, je ne sais pas si on élargit justement et si on va dans des territoires, disons, où c'est assez, par définition, assez mélangé. Ça peut être autrement. Mais je pense de toute façon que pour des raisons générationnelles, les rapports avec la caméra et tout ne doivent pas être tout à fait les mêmes. Évidemment, pour des gens qui ont tellement fréquenté ça, ou regardé, ou eux-mêmes filmé, ou eux-mêmes été filmés, etc. Je pense que c'est une partie des choses intéressantes. Alors, après... comment justement, si les gens qui sont dans les interviewés ou dans les gens observés, disons, ont été mêlés à des événements comme Nuit debout, c'est évidemment très, très intéressant. Ça peut être en soi aussi un point d'interrogation. C'est comment ils raccordent tout ça à leur propre expérience, quel sens ça peut avoir. Enfin, j'en sais rien. C'est des choses qui, à mon avis, font. Je sais pas, j'étais à Londres, je parlais avec David Graeber qui était très intéressé là par ce mouvement Nuit debout. Il me dit, mais qu'est-ce que ça devient? J'ai dit, moi, je... et il était étonné. Il me dit, mais alors, plus personne... j'ai dit, non, actuellement, c'est vrai que c'est complètement retombé. C'est passé apparemment à autre chose. Mais bon, on n'en sait rien. En même temps, on ne sait pas. On ne sait pas comment... Et on ne sait pas, justement, tout le phénomène des gens qui ne vont pas voter ou qui n'ont justement le désir d'exprimer leur mécontentement... et leur propre positionnement en ne vantant surtout pas, ça on en connaît, et ça fait partie intégrante des questions qu'on va se poser pour cette élection. Voilà. Traditionnellement, on est sur les dernières élections, je crois que c'était sur les 80% de votants quand même, c'est sur les 80% par rapport... Oui, donc après, on peut aussi avoir beaucoup de surprises de ce côté-là. Hein. La dernière élection, il y avait un vent d'espoir justement dans des catégories qui était relativement démobilisé. Mais cela dit, je pense que les gens vont quand même vouloir s'exprimer là. Je pense que les gens vont voter. C'est un moment. Il faut voir aussi, ça c'est l'aspect présidentiel. C'est un des aspects quand même intéressants qu'on souligne pas assez dans la présidentielle, c'est que c'est un moment où les gens veulent exprimer quelque chose politiquement, au sens alors là, dans les grilles de la politique. Ils veulent s'exprimer. Et c'est pas seulement le savoir ce qui va être élu et tout, mais c'est ils veulent dire quelque chose. Et ça fait partie de la chose. Et donc voilà. Donc c'est aussi une des raisons, à mon avis, pour laquelle ils risquent d'avoir des choses quand même à dire, même pour dire qu'ils ne voteront pas. C'est ça. Voilà.